Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, ah, oui. Bah bien sûr, bonjour, bonsoir et bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Bah oui, dans ce nouveau numéro du Flowcast, mais attention, déjà, petit happening. Le 25 avril 1980 est né le plus grand des marins. Il a le crâne chaud de Jason Statham et le régime d'un vegan. Tous les pirates l'aiment trop, malgré son explication du jeu balatro. Joyeux anniversaire, Adrien Méniel. Adrien Méniel, notre capitaine, pas de jambes de bois, mais un peu d'eczéma. La petite Francky, c'est son perroquet parti. C'est le plus marrant de tous les océans. Bon anniversaire, Adrien Méniel, on est au paradise des pirates. Bon anniversaire, Adrien Méniel, Marco Molino, prête sa frégate. Bon anniversaire, Adrien Méniel, oh yo. Bon anniversaire, Adrien. Joyeux anniversaire. Un petit cadeau comme ça, des petits bonbecs cachères, ah, l'épaisseur. Incroyable. Il y a du lait là-dedans. C'est probable. Ouais. Tiens. Et ça doit être vegan. Et ça, non. Et ça, c'est vegan. Tiens, et allez. Ça, pas ouais, les vegan. Attends, prends tout. J'en vegan. Profite. Attends, tu veux. Parce vas-y, que vas-y. Je pense que. Est-ce que les gens ont compris les invités? Ben on va le dire après. Tu mais veux dire, vas-y. Et après, moi j'ai un happening aussi. Oh là là, oh là il se passe beaucoup de choses. Bon alors, ah oui, les invités. Alors notre premier invité, il est auteur et comédien. Il a interprété Saint-Laurent, Cousteau ou bientôt le comte, non pas de Bouderbala, mais bien de Monte Cristo. Il a aussi joué dans Five et a co-créé la série Casting avec les deux avec Igor Gottesman, qu'il retrouve avec cette série de 7 épisodes Fiasco qui ne sort pas mi-mai. Pierre Mimet. Oh oui, c'est un grand oui. Ben oui, mais bien fin avril, le 30 pour être précis, c'est Pierre Ninet. Ouais. Bravo. Jazz. Très, très fort. Bravo à lui. Oh merci. Je rajoute des personnages qui m'encensent pendant toute l'émission. Mais j'ai vu la série, elle est franchement c'est vraiment bien. Hein. Il a quel âge? Mais il est pas beau. Il a quel âge? C'est Bertrand Proutane. Il a un accent, vous venez d'où? Oui, en fait, je viens de la région d'abord la région PACA et après comme j'adore l'escalade, je suis filé en Rhône-Alpes. Ah oui, vous avez voyagé quoi. Oui, un petit peu. Rhône-Alpes, on est comme pas loin. Je vais devoir y aller moi. Parce que vous voulez plus complimenter. Ouais, non, il faut que je file. J'avais pas prévu de rester si longtemps à la base. Et il y a des gens qui viennent, ils font un compliment. Ils passent, bah c'est okay. Chez Flo, moi je connais pas, faut demander c'est grand ouvert, à, faut demander grand à Florent. Ouais. C'est la porte ouverte, donc les gens peuvent venir en tout sensé, moment. Pierre. Tout moment, Pierre. Oh là là, on va peut-être la fermer parce que. Ferme la porte quand même, peut-être galère. Notre seconde invitée revient nous voir car elle jouait l'assistante réelle dans la série Fiasco, mais elle vient surtout débunker une info qu'elle nous avait partagée dans le Floodcast. Une information contenant une actrice. Et un dessin animé culte, je vous permets d'écouter. Ah, j'avais adoré. Il doit partir précipitamment ou quand il arrive avec la moitié de son costume. Voyons, Josiane, c'est dingue que t'acceptes ça sans broncher. Écoute, Chris, tu es sa doublure, non? Alors prépare-toi à jouer son rôle en cas de problème, d'accord? Moi, donc elle a bel et bien, Josiane Balasco a bel et bien joué dans Ladybug. Exactement. Wow. Mais oui, voilà, on revient sur les infos. Est-ce que tous vos auditeurs écoutent vraiment tous les épisodes de Floodcast? Il y en a beaucoup. Ah, oui. Oh, oui, t'inquiète, parce qu'en fait, pour leur rappeler, c'est que Josiane Balasco a fait une émission qui s'appelle Le Papotin et elle disait aux journalistes: j'ai pas fait moi ça, je connais pas ces trucs. Et en fait, elle l'a fait. Et voilà. Vos auditeurs géniaux ont trouvé l'info. C'est eux qui ont trouvé l'info. Ils ont bossé. Bah, on bosse avec le CNRS. Extraordinaire. Mais pardon, mais attends. Parce que moi j'avais suivi toute cette affaire. Oui, c'est vrai. Et j'avais beaucoup ri dans ma voiture en écoutant ce truc-là. Et après, quand j'avais entendu qu'elle jouait vraiment dans le truc, j'avais re-ri. Mais là, elle s'appelle Josiane dans le truc. Mais là, voilà, c'est beaucoup là. Et c'est Josiane dans le film. Et vraiment, hein. Elle lui ressemble. Ah, d'accord, ouais, c'était sur elle. Oui, ouais, ils ont dessiné sur elle le truc et elle ne se rappelait pas. Elle dit: mais je joue pas, non. Voilà, non, mais là. Un petit effort. Alors, attends. Vous l'avez reconnu sa voix? C'est Géraldine Nakache. Ah oui, bravo. Ah oui. Merci. Alors Adrien, tu es, on peut plus te tenir. Mais non, mais ça tombe bien. C'est son anniv, il a le melon. Regardez-le là. Non, mais ça tombe bien. Pascal qu'on... de Melon, par ailleurs. Oh, oui. Ah, il en a deux lui, mais il est dans la série. Ah, super jeu de mots, Pierre. Oh, c'est adorable. Il est... Oh non, c'est dommage, c'est revenu. Le con vient ça. Non, c'est pour ça que je savais que ça allait digresser et qu'on allait s'éloigner du truc qui allait me permettre de rebondir, qui était l'épisode auquel tu as fait référence, la dernière fois où tu es venu. Ouais, ouais. Où vous, bon, on a bien ri, on a beaucoup ri, vous m'avez également humilié avec De Dienne quand j'ai fait ma petite recommandation culturelle. Non. Mais comme je suis pas quelqu'un de rancunier, j'ai un cadeau pour toi. Oh non. C'est une agrafeuse sans agrafe. C'est pas vrai, la fameuse, merveilleux, oh, mais c'est ton anniversaire, donc ça m'a extrêmement mal à l'aise. Mais que non, toi mais qui m'offre un truc. Mais attends, Géraldine, t'as prévu une surprise aussi, je crois. Ouais. Évidemment. Oh, wow. Des matzot. Des matzot, incroyable. Sympa, trop sympa. Trop cool, merci. Ah, merci, c'est non, mais écoute, voilà. Je t'embrasse de loin parce que tu m'as dit, est-ce que je suis malade, tu es enrhumé. Je sors d'un rhume, donc autant pas prendre de risques. Vous avez beaucoup de promos à faire. Tu l'as commandé, tout ça. Non, non, je l'ai acheté. J'en ai trouvé une chez Muji. Exceptionnel. Et je l'ai testé, elle est top. Parce que j'en ai acheté offert une qu'il a pas testé. Ouais. Il t'aurait pas. Oui, parce que j'en ai acheté deux, j'en ai pris une pour moi. Ce qui fait que j'en ai deux maintenant. Ah. Vraiment ridicule. Et apparemment toi, pas. T'es pas dans le. Pas. Toi, non, t'es pas dans le. Un Pepsi, ça Pierre, là. Je suis pas dans le. Allez. T'es pas dans le délire, toi. Exceptionnel. Merci, ça me touche beaucoup. Et plus jamais je dirais que c'est de la chiasse. Bah attends, ça trouve tu vas trouver ça nul. Tu vas pouvoir le tester. Est-ce qu'on peut le tester en live? J'aimerais beaucoup. Parce que je suis intrigué. Je suis intrigué de me dire que ça va agrafer sans agrafe. Pour moi, ça ne va pas tenir en fait. En vrai, c'est un truc. Même si tu te dis ouais bon je m'en servirai jamais, tu peux être quand même impressionné par la bah, sinon laisse la pas tester elle-même son cadeau. Oh là là, oh là là, tu vois pourquoi je t'en prie. Une ambiance délétère. Je vais tenir, c'est la première promo où je me fais autant chier dessus dans les premières minutes en tout cas. Regarde, je vais tenir le papier. Non non, c'est à toi de le faire, c'est ton anniversaire. Oui, alors il faut l'année d'Adrien, mais c'est pas clair. Voilà, vas-y. Attention. Voilà. Elle va agrafer. Tu vas agrafer, donc sans agrafe. Sans agrafe, apparemment. Elle agrafe. Hop, j'ai trouvé le papier. Donc ouais, mais ça a fait une petite pliure et ça tient. D'accord, ok, non, j'avoue que à première vue, ça tient. Ça a l'air de marcher. Ça fait un trou quand même. Ça fait quand même un trou énorme. Dans un document. C'est un trou colossal. C'est n'importe quel document officiel ou un peu important, faut surtout pas l'agrafer. Mais non, mais attendez. On fait que des dessins. Mais non, mais dans un coin, vous avez pas besoin de. Il n'y a pas d'informations. Le trou fait la taille de mon nez, le trou. Arrête, beaucoup plus petit. Merci Adrien, c'est un gâteau. Non, mais c'est un cadeau formidable. Ben voilà, ça me fait plaisir. Le trou est vraiment trou béant. C'est énorme, c'est énorme. C'est un trou béant. C'est tout simplement une perforatrice. Je vous emmerde. Une perceuse pour moi. Allez. C'est mon anniv. Vous oui, pardon, pardon. Non, c'est vrai. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, en échange, j'ai des matzot qui sont le truc le plus infâme à bouffer. C'est vrai, c'est dégueulasse. C'est assèche. C'est du pain asie. On met ça dans les salles de bain pour absorber l'humidité tellement c'est sec. Ah ouais, pas mal du coup, parce que je savais pas quoi en faire. Bon, tu les manges pas? Alors effectivement, vous venez pour nous parler. Je suis pas antisémite, hein. C'est vraiment. Oui, non, mais je préfère préciser. C'est toujours difficile. Tu vois, précise-le. Oui. Ouais, le fait de préciser, c'est je toujours dis, un peu. Je dis matzot. Déjà, ouais, c'est déjà, que déjà. Voilà. Je connais. Moi, je connais. Moi, je connais pas. J'aurais pu dire des matzas. Erreur grave, matzot. Ah, oui. Voilà. Oui, donc, pardon. Ouais. Calmos là dans les commentaires. Alors oui, donc vous venez nous parler de Fiasco, une série avec entre autres vous deux, mais également François Civil, Pascal Demelon, Louise Codelfi, Leslie Medina et l'excellente. Alors je vais lui faire un big up. Ah je ouais. l'ai trouvé parce que j'ai vu la série et elle est très drôle la série, mais j'ai trouvé Juliette Gasquet. Ah oui, incroyable, qui joue beaucoup avec toi, Géraldine, dans la série, qui joue ta stagiaire. Ma stagiaire, exceptionnelle, un très, rythme très drôle. En comédie. Vraiment, tous les jours on disait ça à Pierre et à Igor, on disait mais vous l'avez trouvée où? Elle est démente. Ouais, elle est vraiment marrante. Tu veux en parler, Pierre? Ouais, grave. Non, grave, on s'était mis grave la pression parce que on avait. Bravo Pierre. Merci beaucoup. Merci Monsieur Gibon. Bravo choix sur la comédienne là. Merci beaucoup. Ah, ils sont adorables. Très relou à la longue, mais t'inquiète pas, ils vont plus jamais revenir, je pense. Mais il est pas si gros ce trou dans la feuille là. Bah mais oui, merci. Ah, bah, dis donc, quand même beaucoup de bon sens. Ils nous surveillent carrément. Ah, là, c'est... Je vous parle de Juliette Gasquet. Vous allez l'adorer dans la série. On a pété notre crâne en fait. Ah, oui, mais bah, non, mais bah, c'est ouais, les non, jeunes. Non. Elle dit ça. Non, elle, donc mais... je le dis, je me permets. Non, et on a fait un gros casting parce qu'on adorait tellement ce rôle à l'écriture. Non non, casting quoi c'était avant. Ah, ça tu vois. La bonne blague d'Adrien. 44. Ah, bah comme moi. Bah voilà. Wow. Tu vois, il y a une espèce de sérieux là, parce que ouais. Si tu veux prendre une petite tartasse, je te dis. Ouais, il y a un petit truc. Non, bah, vous êtes beau et vous avez l'air très frais. Ouais, vous faites ouais, les deux. C'est pire, chaque compliment empire les choses. En vrai, par rapport à vrai, très bien, franchement. T'as pas du tout l'air antisémite. Si je peux me permettre. Par rapport à votre grand âge, ça passe bien, je trouve. Attends, il a un coup de fil. Ouais. On met en stand-by toute l'émission. C'est son anniv, il en abuse un poil. Non, non, mais c'est. C'est. Non, et bref, donc Juliette Gasquet. Juliette Gasquet, extraordinaire. Extraordinaire. Et elle joue tellement bien. Elle joue mieux que nous tous en fait. Donc on prenait une claque. Ouais, non, ça, pas moi, pas moi. Décide, pas mais moi, mais elle joue mieux que Géraldine. Elle joue mieux que Géraldine. Vous êtes tous super, monsieur. Oh, c'est adorable. C'est une compétition là. C'est vrai. Mais si ça en était une, tu aurais gagné, Pierre. Oh, c'est absurde. Oh là là. C'est triste. Géraldine, on t'oublie pas, hein. Pardon, Juliette Gasquet, on peut faire toute l'émission comme ça. Ouais, en ça revenant peut, à Juliette Gasquet. Évidemment, ce qui va se passer. Évidemment, ce qui va se passer. Je vais juste finir. Allez voir la série. Elle est extraordinaire. Elle avait quoi, 16 ans quand elle a tourné avec nous. Wow. 16 ans. Elle est incroyable. Elle était déjà dans la série Drôle, il me semble. Oui. Ah. Et elle était dans Jeune et Gaulerie, je crois que c'est ça. C'est ça peut-être qu'elle est dans Drôle, mais j'ai pas non, vu Drôle. Je pense que c'est vraiment ça, ah, elle est c'est dans Jeune et Gaulerie. J'ai reconfondu les deux. T'inquiète, t'as même pas l'humour dans les deux. C'est sur du stand-up. Gaulerie et Drôle sont synonymes, donc l'erreur était vraiment tout à fait compréhensible, Pierre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait toi un grand humain. Non, mais ça sera de rien. Non, voilà, et puis Juliette Gasquet, donc elle nous a mis des tartes. Bon, on va peut-être pas faire une heure sur elle. Oh là là, c'est son anniversaire, Pierre. Ça se crispe. C'est, tu redis la même chose, donc bon. Pierre, non, Juliette Gasquet, on était vraiment contents. Elle joue bien, j'ai l'impression, non ? Non, mais moi, ça me faisait beaucoup rire quand on a écrit ce personnage, donc de stagiaire, tellement le tournage prend l'eau et ça devient une catastrophe absolue, chaque truc part en couille. Que la stagiaire gagne en responsabilité chaque jour et à la fin c'est limite elle qui négocie les contrats avec les gens, qui fait les rendez-vous importants. Gros spoil. Non, je dis des fausses situations qu'on n'a pas mis dans la série. D'accord. Oh, il est malin. Ouais, mais pour te donner un peu le range de responsabilité qu'elle prend, ça nous faisait beaucoup rire que voilà, stagiaire de presque troisième en fait, quand t'as 16 ans. C'est ça, c'est le stagiaire d'observation. Oui, quasi. Ouais, quasi. Alors les amis, on va faire quand même le jeu du podcast, on reviendra sur Fiasco un petit peu plus tard, mais sachez que Google France a sorti le top 10 des métiers qui intéressent le plus. Les métiers ? Ouais, okay. Le plus leurs utilisateurs. C'est-à-dire que je vous demande pas le top 10 des métiers les plus googlisés, ouais. Mais le top 10 des métiers que les gens ont tapé avec peut-être l'objectif de le faire en écrivant comment devenir acteur. Acteur est 6ème par exemple. Oh. Ah ouais. Mais il n'est pas dans le top 5. Mais je vous demandais le top 10. Donc il y a acteur effectivement 6ème. Gynécologue. Gynécologue n'en fait pas partie. D'accord. Et non. Ce et qui non, est pas rassurant. C'est ouais. Très rassurant. Oui. Ouais. Parce qu'apprendre sur le tas comme alors ça. Qu'il ouais. Alors qu'il y a proctologue. Il n'y a pas proctologue. Non, c'est foot. Ce qui est rassurant. Je voulais être rassuré. Je voulais être rassuré. Tu l'es ? Je l'ai. Ok. Je l'ai. Goûteur de chiasse, non ? Je sais pas, apparemment. Ah, je suis rassuré. Non, non, il est que 11ème. Ah bon, ça va. Moi, je pense qu'il y a totalement graphiste. Il n'y a non, pas. C'est nul. Agent immobilier. Non, en revanche, il peut y avoir genre pâtissier. Il n'y a pas pâtissier. Enfin, astronaute. Il n'y a pas astronaute. Vous énervez pas contre moi. Non, mais bien sûr, youtubeur. Il y a youtubeur quatrième. Attends, ah bon mais est-ce que les gens devant acteur. Ça parce que c'est plus facile à faire. Oui, oui. Tout simplement. Mais surtout, comment goûte-les les eaux pétillantes. Pourquoi je chie sur c'est fou. Alors que je les adore. Un autre exemple. Fais un cache-cache, on verra. Ouais. Voilà. Comment devenir. Ils l'ont fait aussi. Comment devenir youtubeur. Ouais, qui est très simple en plus. C'est genre. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec. Tu vois, moi j'avais dit comment devenir graphiste parce que je me disais il faut des logiciels, des trucs. Oui. Tu te rencardes un peu sur ce qu'il faudrait comme matos. Là, comment devenir youtubeur. Fais une chaîne YouTube et filme-toi. Bah ouais, mais les gens ils ont peur, ils ont besoin qu'on leur dise. Tu vois. Non, mais les gens ils sont. De toute façon, ils ont peur, ils ont besoin qu'on les rassure gens, en fait. Les gens, de toute façon, les gens. Les gens. Les gens. À la base. Attends, comment devenir chanteur ? C'est absurde. Chanteur de. Ouais, t'arrêtes, tu vas pas dire c'est absurde à chaque réponse. Malheureusement, je crois bah acteur, il a dit. Chanteur, c'est 9ème. Chanteur, c'est 9ème. Ouais. Pas si mal, pas si mal. Car acteur, il a dit. Oui, oui, bien sûr. De toute bon, évidence. Tous les autres métiers, bon, c'est absurde. Ouais, c'est ça, exactement. L'ego du mec, quoi. Non, rien à voir. C'est parce que maintenant, je comprends plus trop le truc regarde. De comment. Oh, non, c'est, j'ai compris, je vais gagner. Arrête ton mauvais esprit. Il n'y a pas magistrat. Non, bien sûr que non. Pas magistrat. Chirurgien esthétique. Il n'y a pas chirurgien esthétique. Dis pas des trucs au hasard quand même. Mettons l'ambiance à plat. J'ai l'impression qu'on est jeune, sale vache. Je comprends pas. Non, non. Oh, mais arrête, tu comprends pas, y'a rien à comprendre, c'est une chiasse ça, c'est un jeu. Les jeux absurdes. Bah, y'a des gens qui sont d'accord avec moi quand même. Non, ok, pardon, je vais tenter un truc. J'ai pas digéré les vannes sur le trou de la graffeuse sans agrafe, qui n'est pas si gros. Évidemment, il pour des plus gros. Pour il était vraiment énorme. Pour que vraiment... ça tienne, il faut bien que le trou soit. Pardon, oui, mais oui, c'est oui, vraiment une perforatrice. Voilà, dont le but est de faire des trous. Va te faire foutre. J'entends. Hein. Pas un merci pour la petite chanson que j'ai écrite pour toi. C'est alors, vrai, c'est une IA qui a tout fait. J'ai écrit toutes les paroles. Il a pris le temps de le faire. On n'a rien compris. Scénariste. Ambiance chargée. À propos. Écrivain. Écrivain. Deuxième. Arrête de dire. Il allait dire je comprends pas. Il allait dire je comprends pas. Non, je comprends hyper bien. Là, il comprend là. J'ai rarement autant compris un truc. Moi, je réalisateur de. Non, pardon. Et non, il y a pas. Il y a pas réalisateur. Je peux le donner, il est vas-y, dans la liste. Je vous le donne. Vas-y. Photographe. Il y est pas. Ah. Allez. On est d'accord qu'on n'a pas le premier encore. Vous n'avez pas encore le premier. On n'a pas le premier. Président. Alors il n'y a pas président. Il y a écrivain deuxième, youtubeur quatrième, acteur sixième et chanteur neuvième. Médecin. Pas médecin. Bah en vrai ça parce que médecin bon bah tu fais médecine quoi, voilà, c'est assez ça, simple. Tu fais médecine. Bah, oui. Donc, faut bah, des trucs un peu genre. Oui. Ah attends footballeur. Il y a pas footballeur. Non il y a pas footballeur. En fait faut des trucs que les gens ont envie de faire. Stand-upper. Pas stand-upper. Alors vous avez fait. Non, il n'y a pas comique ou humoriste. Vous avez fait un peu les trucs artistiques. Ah, j'allais, putain, j'allais le demander. Il y en a un, il reste un. Le, un, le premier, c'est pas un truc artistique. Non, le premier n'est pas du tout artistique. Ah ouais. Mais arrête tes conneries. Je te jure sur ma vie, mon pote. Non, c'est un truc dont la formation n'est pas évidente. Enfin, j'imagine. Ouais, ouais, exactement. Ah, le premier, mais même les autres. C'est un peu un métier qui s'apprend sur le tas un petit peu. Ah non, non, non, il y a des écoles. Il y a des écoles et tout. Ah ouais, à fond. Il y a pas un truc genre dans le bitcoin. En bas, il paraît. Il y a rien dans le bitcoin. Cryptoman. Pas. Ça c'est ton surnom dans le, gay, oui, dans le milieu. C'est vrai. Non, le numéro 1 c'est un truc vraiment, il faut, il y a beaucoup d'années d'études. Il y a beaucoup d'années d'études. Et c'est un mélange, et c'est un truc très manuel. Non, ah, pas très avocat. Manuel. Un truc très manuel, menuisier. Pas menuisier. Ah oui, d'accord. Boulon, non. Couvreur. Non, pas couvreur. Mais c'est artisanat. Bah c'est non. Menuiserie, c'est charpentier. Non. Allez. Non, non. Mais je viens de dire menuisier, ouais, par contre. Mais moi j'écoute pas trop. Moi c'est un couloir assez avec des œillères. T'écoutes surtout les gens qui rentrent, qui c'est gueulent des trucs. Les gens qui interviennent de l'extérieur, je m'intéresse. Je comprends bien. Qui disent quoi d'ailleurs, on les entend plus depuis ça, un moment. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas dit un truc. Donc il n'y a pas d'artisanat dans le je premier. Je vous donne le dixième. Ouais. Pour vous okay. orienter ouais, un petit peu. Okay. Le dixième, allez, c'est professeur. Ah oui, donc des on écoles. A... Voilà. Bah, c'est... Donc neuvième chanteur. Et le huitième, c'était développeur. Développeur. Voilà. Le huitième, c'était développeur. Développeur. Ouais, ça je comprends. Twitcher. Même moi, je sais pas ce que c'est ce job. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le taper. Alors il n'y a pas Twitcher, mais il y a un truc un peu dans le milieu de l'internet. Gamer. Vous n'avez pas dit. Pas gamer. Non. Ingénieur informatique. Non. Non, vraiment plutôt. Comment dirais-je ? Non, mais je vais trop vous aider. Mais en tout cas, ouais, dans ces nouveaux métiers, il y a eu YouTuber, il y a un truc qui est un peu similaire à YouTube. Ah, influenceur ! Tout simplement, ah, influenceur, septième. Pour moi, c'était un peu. Ouais. C'est pareil pour moi aussi. Ouais. Ah ouais ? Ouais, c'est que c'est cul et chemise. Pas pour c'est pas tout non, ça l'expression. Non, excusez-moi. C'est bascule et pamphlet. Bonnet blanc et non, blanc bonnet ? Non, toujours pas, c'est pas c'est ça que je veux dire. Vous devez deviner maintenant, c'est un autre jeu. Copain comme cochon. Non, c'est. Copain comme cochon. Non. Kiff kiff. Kiff kiff bourrico. Oui. Bretelle et ceinture. Oui, c'est bretelle et ceinture. C'est gagné. Attends, c'est une vraie expression. Ouais, je la connaissais pas. Vous connaissez pas ? J'ai jamais entendu. C'est quand quelqu'un par exemple fait. Ah, vous connaissez pas ? Non. Bah là, je suis étonné. Pour moi, bretelle et ceinture. C'est connu pourtant. Ah, bah le voisin. Pour moi, bretelle et ceinture, c'est ton prochain spectacle. Aussi. Aussi. Avec François, vous faites un petit duo. On a des fausses dents. Moi, je comprends pas. François est clairement bretelle, si je peux me permettre. Ok. Je sais pas comment le prendre, mais ok. Non. Ceinture. Bah, si on a. Non. Ah pour si moi, si je peux. Que... Attendez, il y a que vous qui comprenez ce que vous dites. Ouais. Non, moi je comprends. On pas. A dit qu'on montait juste un spectacle avec François Civil, bretelles et ceinture. D'accord, je veux savoir ce que ça veut dire bretelles et ceinture. Je te le dis tout de suite, je te le mets dans un exemple. Je dis juste que pour moi c'est évident que François Civil est bretelle. D'accord. Donc moi je suis ceinture. Oui. OK. Mais c'est logique pour moi. Oui, oui. Pour moi ça coule de source. Et fais pas cette gueule. Non, non, vraiment. Loin de moi l'idée. Tu es vexé quoi. Non, je suis pas vexé. Ce nouvel âge qui passe, comment tu le digères ? Ouais. Très bien. Moi c'est plus quand on me chie dessus quand je fais un cadeau ou ça peut. Je comprends, mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ça n'est jamais arrivé, déjà. Moi, j'ai jamais vu ça. Continue. Bretelles et ceinture. Ceinture et bretelles. Quand tu dis. Vous pouvez vérifier, ça existe. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un. Merde. Il vérifie réellement. Et merde. Non, ça. Non, tu peux. Ça existe. Ça existe. C'est, en fait, c'est quand tu dis que t'as fait. Par sécurité, tu fais deux trucs. C'est-à-dire, genre. J'ai garé la voie. Je vais pas trouver l'exemple. Parce que plus t'expliques, plus ça s'applique pas au truc qu'on disait. Par contre, ça s'applique pas exactement. Alors, par contre, oui. Si vous creusez vraiment, là, ça ne s'appliquait pas au truc. Donc. C'était kiff-kiff, en fait, le truc qu'on cherchait. Kiff-kiff. Non, c'est plus que ça. Non, c'est pas kiff-kiff. Ça veut dire, j'ai fait deux trucs. Oh, je sais pas l'expliquer. Écoute, vas-y. Selon Wikipédia, c'était avec un luxe de précaution sans prendre de risque. Et donc, t'as mis bretelles et ceinture. Donc, ton pantalon ne va surtout pas tomber. C'est sûr qu'il va pas tomber. Excessivement prévoyant. Je veux pas avoir froid. Voilà, prévoyant. Non seulement j'ai fermé les fenêtres, mais en plus j'ai mis du chauffage. Voilà. Ouais, t'as eu beaucoup de mal à articuler, mais c'est ça. Mais parce qu'en fait, j'ai du Pepsi dans ma bouche actuellement quand je parle. D'accord. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Et on dit, ah ouais, j'ai fait bretelles et ceinture. Voilà. D'accord. Donc vraiment rien à voir avec ce qu'on a. J'avais beaucoup de mal avec le jeu. déjà. Moi, je trouve qu'on a pris une belle expression et déjà, c'est pas mal. Ouais, déjà, c'est super. Est-ce que c'est ça, du coup, c'est un rapport avec les expressions ? Genre peut-être prof de français ou. J'ai eu un grand débat récemment avec Géraldine, François et tout sur une expression que bretelle. J'ai employée. Non, une autre non. Que bretelle et ceinture. François. Ah, François, c'est bretelle, ça c'est sûr. Le cast, il est. La distrib, elle est faite. Non, mais ça bougera plus. Si quelqu'un doit mettre des bretelles, tu dirais pas que c'est François. Si, ça lui ira mieux qu'à moi. Ouais. Voilà, c'est moi, ce sera plus Steve Urkel, tout... lui, ce sera un peu. Lui, un peu stylé, non, genre. Non, je suis pas d'accord. Ah bon les bretelles, non, c'est possible sur toi. Toi qui es si long comme ça. Oui, c'est vrai que t'es grand. Ça peut être beau sur un gars, des bretelles. Ouais. Bah, oui, mais bien François, sûr. Il a un côté un petit peu. Bûcheron. Je fais de l'escalade, machin. Ah ouais, oui. Tu vois, un peu. Non, mais je le vois dire un truc avec assurance, c'est justement les tirer un peu comme ça. Complètement. Il y a des bûcherons sexy sur TikTok, vous avez vu ça ou pas ? Oui, il y a même des bûcheronnes sexy. Ah, j'ai pas vu ça. Gros bandeur. Avec des haches et tout. Ouais, qui coupe des énormes bûches et tout. J'ai vu, c'est assez ouais, ils y vont quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, genre ils crachent sur la bûche. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Non, voilà. Ah mais comme les mecs qui font de la pas bouffe sur TikTok, ça. C'est genre pas... si, si, si, je vous jure. C'est genre un peu ASMR et les meufs reprennent ça en faisant des vannes genre genre ça les turn on de ouf. Ah bon? Ouais, ouais, je te jure, je te jure. J'étais surpris, c'était un mec suivi par des millions de gens, très beau gosse canadien, il coupe des, il fend des bûches. Je peux pas te dire mieux. Mais il y a une émission comme ça, on les voit fendre des bûches tout le temps là. C'est une compétition. C'est chiant comme la pluie, j'ai jamais compris. Et il paraît que ça cartonne. C'est, écoute, il y a des passions sur tout. D'accord. Tout et n'importe quoi. Ok. Ça, c'est une autre leçon que je voulais vous apprendre. Ouais, mais c'est bien que tu nous. Mais il y a les mecs qui font à manger aussi comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu. En crachant les aussi. Mecs... avec des crachats. Non, mais qui font genre, ils font à bouffer, mais en étant, en essayant d'être sexy, sexy quoi. Et donc ils font, tu sais, genre ils caressent la pâte et ah tout, oui, ils mettent des claques, oui, oui, ils mettent un doigt comme ça dans une orange et ça coule et tout. C'est pour leur queue dans une paella. Qui chante des recettes? Qui chante des recettes? Ça pour moi c'est Florent, mais quelqu'un qui chante des recettes pour moi c'est toi. En anglais, je l'adore lui. Ah ouais. Vous voyez pas, ah, il est frais, ah, lui. Non, non. Il chante des recettes et il kiffe. Il fait que des espèces de buns comme ça, des espèces de brioches qui se malaxent. Qui se malaxent. Alors, je me permets et tu me dis, Jarline, la chanson peut te turn on. La chanson, non, la, non, la, mais... quelqu'un qui chante peut te. Oh. Non, mais c'est lui qui, en touchant la nourriture. Ah, mais c'est sexy les... un peu. C'est un peu sexy. Ah, et il d'accord. chante les recettes. C'est-à-dire que ah, lui, ouais. il, tu vois, il les chante oh. dans un micro, très près du micro, comme ça. Ouais, c'est un peu sexy. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, moi je croyais que c'était un truc marrant quoi. Mais non, aussi, lui, il est aussi, dog. Il est ouais. il est beau gosse ou pas spécialement? Ouais, il est ça va. Oui, je pense. D'accord. Ouais, okay. J'imagine. Ouais, il pense. Bah, c'est la beauté. C'est ouais, surtout la beauté. Juste beau, il est juste ridicule, mais bah, à part ça, il est beau. Non, il est pas ridicule. T'es jaloux, non, il est pas ridicule. Déjà, on sentait une pointe de jalousie envers les bûcherons. Ouais, t'es jaloux. Clairement. Jaloux envers et les meufs regardent ça, genre, super. Coupe des bûches, crache dessus. Alors que moi, j'ai un César. Tout nous en fout apparemment. Je crache sur mon César, on s'en bat les couilles. J'ai acheté deux putains d'ânes pour que. Pour attirer l'attention, pour crier, crier mon désespoir à la face du monde. Vous voyez pas que c'est ça que vous me regardiez hein. Non mais en vrai, du coup, on a eu un débat avec Géraldine sur une oui. autre expression. Ah, pardon, mais elle est très, très moi, je importante. Dis qu'elle ne le connaissait pas, cette expression. Ah non, mais toi, t'étais non, d'accord avec moi, c'est ça que j'ai oh là découvert. Là, je suis la seule, de l'équipe qui disait si Pierre a raison, ça existe. Alors vas-y. Je me faisais tellement attaquer par François, Igor et les autres que j'avoue que j'avais oublié que tu me soutenais. Je te soutiens, je sais qu'elle existe, je ne sais pas l'employer en revanche. Moi non plus, et d'ailleurs, c'était improbable que je me retrouve à l'employer. Dites-la dans une interview à Cannes. Je me suis retrouvé à dire oui, parce qu'un jour, il mettait un costume du Moyen-Âge, qui. Un costume oui. des Vikings, qui oui. un costume, et ils m'ont tous regardé, genre, qu'est-ce que tu fais, Alors, bien sûr, tu fais un AVC. Adrien, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. Comment elle s'utilise cette expression? Ça marchait là, comme il vient de le dire, oui. par exemple genre, et même moi, je l'utilisais mal. Moi, je disais quid d'un. Voilà, et ça pas existe quid, mais c'est autre chose. Mais on c'était d'accord. pas ça, et je l'utilisais mal, et on m'avait dit, tu maîtrises pas bien squid, la langue française. Game, voilà, ça marche que là. Ça marche que sur cette série, malheureusement. Netflix, où il y a Fiasco également. 30 avril. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. C'était finement fait. Bien joué. Donc ça se dit, et voilà, et si François écoute le Floodcast, ça je te le dis, non, ça se dit. Genre, en fait. Le mec, il fait des recettes en chantant. Qui une brioche, qui une tarte. Et d'ailleurs, on parle d'expression. Il y a quand même une expression du Floodcast dans Fiasco. Oui. Alors ça, ça fait. Non mais les gars, moi j'ai pas vu, mais il m'a envoyé l'expression. Je repousse la date de vous le dire depuis 1000 ans. Je me dis, oh, il faut que je leur dise, il faut que je leur dise, il faut que je leur dise. Comme je suis un auditeur très assidu du Floodcast, ça envoie du sax et rentrer un peu dans mon vocabulaire. Ouais. Et un jour, on a fait une impro avec François. Il a fait plein de choses. Et dans un des trucs, je lui ai dit, dis ça envoie du sax. Il l'a dit. Et finalement, c'est un des trucs gardés c'est au montage. Incroyable. Et je voulais vous le dire avant maintenant. Et Kata, je vous le dis maintenant. Non mais c'est non, génial. Mais regardez, moi, ça m'a fait. Bon bah ça circule. Ça, du c'est coup. Surtout Adrien. Hein, c'est lui qui a inventé cette expression. Mais je l'ai pas inventé. Mais c'est vrai que je l'ai ramené dans le Floodcast. Oui, tu l'as. On l'a trouvé sur un tournage. Et après, j'ai... Tu l'as inventé, non? Tu l'as sculpté. Non. On l'a trouvé un peu communément sur un tournage. L'expression ça envoie du sax. Après j'en ai parlé dans le Floodcast. Et après le Floodcast ça a explosé après. Ça a explosé bien sûr. Non mais c'est notre première incursion dans la pop culture un peu. Donc ça nous fait très plaisir. Franchement ça envoie du sax. C'est moi j'adore parfait. C'est parfait ça. Et ça va très bien avec le perso de François. Mais oui plus, c'est mais surtout vraiment... pour ça que je lui ai proposé de dire ça. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Alors je vais vous dire un petit peu les métiers vous, comme ça vous n'aurez qu'à trouver le premier. Ça vous va? Ah oui parce qu'on joue toujours. Bah j'essaye. On a essayé vraiment de sortir de là. C'est pour ça. Je fais tout pour vous écarter de ce jeu au maximum. Vous le voyez pas. Moi je vois la main droite de Pierre, il la serre comme un dingue. Donc tu vois vraiment. Donc le cinquième c'était entrepreneur, le troisième danseur. J'ai failli dire la réponse des losers. J'ai failli le dire, la réponse des losers. Aïe aïe aïe. C'est vrai. Ah et bah je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien accueilli de l'autre côté de la table. C'est son anniv, c'est pour ça. Oh, le non, non, c'est vrai. Oh le twist. Je ah j'ai failli le dire un moment. Oh écoute. Bon, c'est pas la peine non plus. Non, ouais, là, je l'ai pris hyper bien. C'est déjà pas mal. Ah, les grosses merdes qui disent ça. Oui, bah ça va, c'est bon. Oui, ah, donc tu vois bien les grosses merdes. J'ai acquiescé, j'ai acquiescé. J'avais dit ok. J'étais d'accord. L'humiliation est pas nécessaire. Je te pense. Bon, le premier, donc c'est un truc où on se fait beaucoup d'argent. Avec les mains. Alors. Trader. Non, pas trader. Je crois que c'est bien payé, mais je suis pas certain. Non, il a dit beaucoup d'années d'études, c'est et ça. Et très manuel, ouais, ouais. T'as dit. Ouais, enfin, mais tu fais jouer de ses mains. Pas gamer. Ma sœur, ma sœur. Kiné, ostéo, kiné. Chiropracteur. Avec les pouces. Non, pas les TikToker. Pouces. Wow. Ah, pilote d'avion, enfin. Pilote d'avion. Le mime que tu as fait de pilote d'avion. C'est des pouces en l'air. Ah, bah des pouces c'est en l'air, un ça crash marche. Garanti. Ah oui, bah, oui, bien sûr. Alors mais... attention. J'ai pas fait les années d'études des pilotes. Oui, c'est ça ouais, aussi. Ouais. Alors, je l'ai mimé un peu à pilote au hasard. Pilote d'avion, ça pour le coup, je comprends. Pilote d'avion, 930 000 recherches. En un an pour comment devenir pilote d'avion. Et moi, c'était, je voulais faire ça, moi. Ah c'était bon drôle, c'était ma question d'après. Quel était le métier que vous auriez aimé faire quand la vous étiez alors la promesse de l'aube. Oui, c'est vrai, dans la promesse de l'aube. J'ai jamais autant flippé que dans la promesse de l'aube. Ils m'ont embarqué dans un bombardier des années 40 qui puait vraiment la mort. Non, mais genre les boulons qui font du bruit, tout est cata. Et tu sais, c'était le bombardier Romain Gary, c'est un film sur Romain Gary. Il avait sa place dans le bout du cockpit et c'est un truc entièrement en verre. Non. Et où tu vois du coup en dessous de toi le sol directement. Ah, le sol est en verre. Oui, le sol. Ouais, en fait, c'est le nez, tout le nez de l'avion est en verre. Pour que à l'époque, il regardait et il disait ok, maintenant on bombarde là. Et il lâchait la bombe. Wow. C'est pour que tu puisses bien voir où est-ce que tu larguais la bombe. Et c'était horrible. Bah, et oui, c'était des mecs, des collectionneurs, des vieux briscards anciens de l'armée. Et ils me faisaient regarde, je vais me coller à l'autre bombardier. Et genre, ils se collaient exactement. Et je disais pas la peine, pas la peine. Je disais comme ça, mais vraiment, tu sais, le premier dub où t'essaies d'être calme pour que les infos passent. Pas la peine, pas la peine. Ouais, ça va. En vrai, ça va, t'es voix blanche un peu. Voix blanche de peur. Et c'était horrible, c'est un des pires moments de ma vie. Mais c'est une vraie typologie sur les tournages, des gens qui sont très pros dans leur domaine d'expertise et en font un poil des caisses. Nous, on avait tourné pas mal avec des armes à feu aux périodes du bagel et tout. Très souvent, il y avait un acteur qui prenait l'arme et qui jouait c'était des sketchs avec Mr. V, tu vois, donc il n'y avait pas un gros travail de comment de crédibilité. Et il tenait le flingue comme ça, un peu sur le côté, comme un gangster. Et là, le gars, il fait voilà, c'est le meilleur moyen de te débloquer l'épaule là. Il fait c'est un sketch de Mr. V. On peut se dire. Pas grave. Ça mais d'ailleurs, dans Fiasco, il raconte un peu ça, notamment avec les dresseurs de chiens. Ouais, j'ai parce que c'est vrai qu'ils sont toujours vraiment très, très au fait de l'animal, de comment en parler avant, après, pendant. Et ça peut durer 5h15 quand la séquence, vraiment, c'est juste quelqu'un qui balade un chien. Ouais. Et dans Fiasco, il y a plein de séquences autour de ça et c'est hilarant. Mais c'est des trucs que. On avait eu l'inverse, nous, à Golden Moustache, où c'était des gens qui étaient soi-disant des dresseurs. Le chien ne savait rien faire. Ça arrive aussi. Il y a la meilleure phrase. C'est-à-dire que je disais un truc très simple. Le chien devait tourner la tête en direction du personnage. Il devait regarder un truc. Il ne le faisait pas. Donc je me tourne vers la dresseuse en disant pourquoi il le fait pas. Elle me dit c'est un chien. Génial. Extraordinaire. Génial. Mais c'était un peu glauque d'ailleurs ce truc parce que c'était une espèce d'immense ferme où ils avaient plein d'animaux, des canards, des trucs en cage et tout. Et tu sentais que c'était vraiment un business et qu'ils s'en C'était des dresseurs que Golden Moustache pouvait se payer. Ce que j'allais dire, parce que la plupart, c'est des passionnés qui s'occupent très bien de leurs animaux. Là, et d'ailleurs, ils s'en occupent tellement bien que parfois, justement, ça vampirise le tournage. J'ai envie de dire, on travaille maintenant. Oui, on s'occupe moins bien des acteurs qui sont en face. Qu'est-ce qu'on peut être un peu plus. Catherine Deneuve a mangé des croquettes pendant que le chien a pris le plateau. Plateau repas, je trouve ça un poil too much. Donc, oui, pilote, t'aurais pu faire ce métier. Bah non, mais je voulais faire ça quand j'avais genre 11, 12, 13 ans. Je voulais faire ça. J'étais Pierre Minot, bien vu. Et puis, j'étais nul en maths et myope et daltonien. Rien qui allait, Donc les yeux vraiment. Daltonien. Les yeux en caca. je suis daltonien, Toujours, moi. Ça c'est pour la vie, ça. C'est pour la vie. Et c'est que les mecs. Ah bon. Comment c'est vrai. Comment ça. Les femmes peuvent pas le. C'est incroyable. Je savais pas du tout. Ah ouais, putain. Comme quoi. On en apprend vraiment beaucoup. Soit disant, les hommes sont privilégiés. Ouais. Bah nous, on est daltonien. Je crois pas. Excusez-nous d'avoir un peu plus d'argent sur nos salaires. Nous, on confond les couleurs. Toi, Géraldine, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais faire, je pense, chanteuse, tous ces trucs-là. Tout qui prend de la lumière et de la place. Dalida, quoi. Ouais, Dalida. Je voulais être Dalida. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on m'appelait un peu Dalido. Valérie, je m'appelle. Valérie Dalido. Ah, rien à voir. Ouais, non, je voulais prendre de la place. Ouais, écoute, quand on est enfant, est-ce qu'on n'a pas tous un peu envie de prendre de la place? C'est ce que je me dis. C'est ce que qu'il je y a dis. Rien. Oh, là, vous êtes dans un délire, les deux là. Ah, j'ai cru qu'une vanne allait traverser son esprit qui m'avait aussi traversé l'esprit, mais non, je crois pas. Ah, oui, d'accord. Non, mais du coup, j'ai compris ce à quoi t'as pensé. Super, en tout cas, on sent que vous bossez ensemble en ce moment. Pardon, mais c'est très, très, très connecté. On joue au basket ensemble, donc c'est une connexion. Complicité. Ouais. Rappelle. Bah oui, les très belles passes. Ouais. Et ça va sinon? Allez, ça va. Pardon. Tranquille, ouais, Géraldine, pardon, Florent. Viens, on essaye d'être amis aussi, bah, on fait du volley, on fait des trucs. On s'est connus au basket avec Pierre. C'est-à-dire au basket, ça veut dire quoi? Bah, on joue au basket ensemble. Mais où? C'est une autre expression, c'est une autre expression. Ça peut te foutre déjà. Ça peut te foutre déjà où on joue au basket, c'est fou ça. Vous jouez au basket en vrai? Oui. Sur un terrain, quoi. Mais on s'est connus. Genre une ou deux fois par mois, on joue au basket ensemble. Bien moins souvent, si je peux me permettre. Attends. Bien moins souvent. Le terrain, il est où? Vous louez un terrain? Bah oui, disons où on joue pour que les gens viennent nous faire chier. Non, mais vous jouez chez quelqu'un qui a un terrain chez lui? Non, on joue dans un terrain qui existe. Et vous appelez, vous dites, mais attends, et vous pouvez jouer l'un contre l'autre ou avec une ambiance avec c'est vraiment des questions. On joue en généralement 3 contre 3 avec un remplaçant, voilà, tu sais tout. Avec, et à François Civil. Il y a Bretel, il y a Bretel qui est là. Il y a Bretel libre et disponible pour jouer 2 heures comme ça. C'est pour ça qu'on joue pas si souvent. Voilà, beaucoup moins que ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est à peu près une fois tous les 4 mois à peu près. Oh, voilà. Ouais, c'est vrai. Et vous c'est avez vrai. Un groupe WhatsApp basket? Ouais, exactement. Avec un petit emoji ballon de basket. Tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire. Bon, calme-toi. Non, ça c'est pas tout à l'heure. C'est mérité. Parce que Pierre, il dit hé, basket cette semaine, et après il poste un gif de ballon de basket. Toi, tu mets vraiment les bretelles avec la ceinture. Bah là, oui. Avec la ceinture là. Et attends, et est-ce que vous jouez bien mutuellement? Alors déjà, le mot, la verbe mutuellement ouais, n'avait rien vois, à voir. Est-ce voilà. que vous jouez bien? Bien, bretelle et ceinture. Bretelle et ceinture. À l'arrière, ça, je te le passe. Oh, non, ça va, on se démerde. Moi, je sais pas. Oui, bah, je sais pas ce que ça veut dire bien. Ça veut dire que t'es ripou. Non, non, franchement, on n'est pas pourri, mais on n'est pas fort non plus. Exactement. Est-ce qu'il y a on un est pas, élément on n'est pas assez régulier pour dire qu'on joue bien, mais on joue vraiment bien. François, bretelle est au-dessus. Bretel est au-dessus. Il est plus François est plus physique. Il est plus il attaque il est le cercle. Il est voilà. Okay. Il a un je l'imagine bien comme une ça. Explosivité voilà que. Il a une explosivité qu'on n'a pas. Il a sans doute. Il veut se prouver plus de choses que nous. Oh, ouais. Mais ça tient à ça. Bah, bien sûr. Et il y arrive très bien malheureusement. Et malheureusement il le prouve à tout le monde. Malheureusement. Très c'est bien. Une réussite. Ah, j'adore que vous fassiez. J'adore. Sport, en fait on a commencé super. À jouer. J'ai vu la première fois. Non la deux. Ah je sais plus. Je sais pas, c'est relou. Je comprends. Ça aussi ouais. T'as vu, il y a eu un shift. Hein. Au début, un peu. Oh, c'est l'âge. C'est les bénéfices. Il prend très très bien là, tout ce que je lui mets dans la gueule. Je suis insaisissable. Ça me dégoûte. Il va le prendre mal. Non, pas du pas tout. Pas du tout, pas du tout. Il a un détail qui devrait passer comme une lettre à la poste. Ouh là là. La tornade. Ah ouais. Non, on jouait au début avec avec Orelsan, non? Il y avait pas non, pas du tout, j'ai jamais non. Ah bon, c'est vrai. Vraiment, absolument il a bien pas. Inventé. Non, non, non, il y avait pas des trucs. Il y avait Snoop Dogg. Attends. Je suis pas fou quand même. Tony Parker et tout, il y avait Mac Lemore et Snoop Dogg. Quoi? Non, non. Non, vous avez joué avec lui mais avant que moi j'arrive dans le game. Ah, t'as remplacé Orelsan d'une certaine façon. En vrai ouais. T'es pas Orelsan, faut le dire. Bah il est arrivé tout de suite, il a dit ah c'est Baro ça comme ça, on a dit ah c'est pas si mal cette imitation. Faut que je fasse très vite alors. Vas-y. Bah c'est marrant parce que non. Ah, il est enrhumé. Vraiment, c'est porciné. C'est plus porciné qu'Orelsan. Malheureusement. J'ai d'ailleurs une anecdote un peu. J'ai une anecdote La Flamme sur ça. T'avais déjà raconté, je crois, dans un podcast, mais sur une imitation d'Orelsan. Je dirais pas le nom de l'actrice, ce n'est pas toi, Géraldine. Mais une actrice a dit à Orelsan directement: je t'imite vachement bien. L'a imité devant lui, il a fait: ouais, pas vraiment, hein. Génial. Qu'est-ce que j'aurais aimé avec toute sa gentillesse de... Ah oui, oui. Ah, moi je trouve pas du tout, hein. Rien à voir avec ma voix. Bah, un régal. Génial. Un enfant a fait évacuer toute son école bien malgré lui. À votre avis, qu'a-t-il fait? Il a dégueulé. Il n'a pas dégueulé. Il a éternué fort. Il n'a pas... Ouais, très très fort là, du coup, une évacuation totale. Il a tiré le signal d'alarme? Non, quel dingo. Sur, ça serait, à propos ça. De l'écologie, je veux dire, c'était une métaphore. C'est magnifique. Il a craqué une allumette. Alors, il n'a pas craqué une allumette. Il a craqué une tôle? Non, il a pas craqué. C'est une expression aussi, ça? Vous connaissez pas ce que c'est? C'est la journée d'expression. L'expression casse. Allez, vas-y, allez, on dit lâcher une caisse, quoi, péter. Ah, craquer une tôle. Mais tu veux. Tu viens de l'inventer? Non, non, non, c'est vrai, c'est comme Pompiflard. Alors, okay, malheureusement, selon Internet, craquer une tôle n'existe pas. Ah. Bah, moi, en tout cas. Alors, c'est... Ah, si, pardon, alors, dans le dictionnaire de la zone.fr. Ah oui, pardon, je viens de la hurler. Ah oui, craquer, péter bruyamment, Seb, je vous mets la mise en situation. Oui, parce que là, on a du mal à imaginer. Seb, il a craqué une tôle dans la cuisine, ça fouette. Bon, ça fouette pareil, hein, c'est une expression de la zone. Hein. Alors, ça fouette, qu'est-ce que c'est ça maintenant? Faut connaître un peu la cité. Voilà. Non, ok, ouais, très bien. Il a craqué une tôle. Ouais. Attends, il a fait évacuer une. Bien malgré lui. Bien malgré lui. Bien malgré lui. Toute l'école. Est-ce que. Qu'est-ce qu'on fait à l'école déjà? On joue. On joue, mais alors quoi d'autre? On fait des explosés. On y arrive. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il a de joué physique chimie? Il a. Alors pas physique chimie, mais on s'approche. Il a fait une expérience scientifique. Pas une expérience, pas scientifique. Est-ce que c'est un exposé? C'est un exposé. Et est-ce que il a dit un truc qui a... Ah oui, j'allais dire vraiment... Qui a alarmé bien les gens. Redis bien dit... malgré lui, sinon. Alors, est-ce il a qu'il rien a dit. Fait Bretel il et Sergent Il a rien dit. Il a fait quelque chose. Il a même... Il s'est déguisé. Il s'est pas déguisé. Ça a déclenché l'alarme incendie. Non, c'est la prof qui a dit... Il a mis le feu. Non, il a pas mis le feu. C'est la prof qui a dit oula oula, partons d'ici. Une arme, il a sorti une arme. Alors, oh, vous êtes l'accordé, on n'est pas loin. Il a sorti une de quoi faire une bombe, de la nitroglycérine. Ah, C4. Non, s'éloigne, hélas. Non, je plaisante, c'est pas ça. Attendez, laissez-moi. J'ai deux ânes. Non, il a ramené un obus pour son exposé. Bien sûr. Dans le département de l'Oise, un simple cours de. Putain, c'est qu'en France. Pour moi, c'était aux États-Unis, c'est fou. Et non, bah tu quoi, on dit les Ricains. On dit les Ricains, mais nous. Hein. Si les Ricains n'étaient pas là. Ah là là, on serait tous pas. Hein. Le 18 avril. C'était le 18 avril, c'était il y a pas longtemps. La faute à un élève de CM2 qui croyait bien faire, comme le glisse le maire de la commune en apportant dans son cartable un véritable obus, datant de la Grande Guerre. Incroyable. Et comme le rapporte l'Oise Hebdo, très bon magazine que je vous conseille. Bien sûr, je suis abonné. Ils ont besoin de votre soutien. Ce cours d'histoire dans l'école élémentaire a provoqué l'intervention des démineurs. L'école maternelle Charlotte Dussarpe attenante a également été vidée pour éviter tout risque d'accident. Et donc oui, ils pensaient que ça allait exploser, tout simplement. D'où ma... Alors, le c'est la star de l'école, du coup. Ouais. Un jour férié pour tout le monde, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne disent pas comment il a trouvé cette. Enfin, l'article ça, ne dit pas dire. Comment il a trouvé un obus. Bah, il avait ça chez lui, j'imagine. Oui, voilà. Ouais, bah, moi, j'ai pas d'obus de mes grands-parents chez moi. J'ai claqué ma cuisse de. Mais non, mais son père. Un fédo. Je joue pas très bien dans la vie. Un mauvais fédo. Non, mais. Là, oh là, la main sur ma taille là. Non mais j'étais comme ça. Non mais son père avait un obus chez lui quoi. Oui bah j'ai... d'accord mais c'est un surprenant peu... t'avoir. Est-ce que vous étiez des bons élèves à l'école? Je vais aller essayer de deviner Géraldine. T'étais bien ouais. T'étais studieuse. Ouais. Tu faisais bien, c'était propre. Tu dois avoir une très belle écriture et tout. Alors j'écris extrêmement mal, pire qu'un médecin, c'est super Pierre. L'amitié et du coup le feeling qu'on a. Tu peux pas le savoir à tous les coups hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis humain après tout. Même si j'ai deux ânes. Humain après tout, qui est ton autobio qui sort bientôt. Parce que tu es un des Daft Punk, on peut le dire. Non, j'écrivais très mal. D'ailleurs, j'ai un problème de tenue de cahier parce que j'écrivais vite et j'allais aussi vite que mon débit. En revanche, j'étais studieuse, absolument. Mais ça tombait pas tout cuit, quoi. Fallait que je travaille pour avoir des résultats. Mais t'aimais bien travailler. C'était laborieux, quoi. J'aimais bien. Ouais, c'était laborieux. Okay. Ouais. Bonne note, des bonnes notes. Vous allez m'humilier. Non, au contraire, bah, c'est d'autant plus méritant. C'est plus stylé, quoi. Oui, voilà, c'est pas un don. Non, moi j'aurais préféré que ce soit un don, 100 fois. Oui, bien. Que t'aurais préféré, bien sûr, mais l'histoire est belle de se dire, elle a bossé, elle a des bonnes notes. J'ai beaucoup travaillé et j'avais des bonnes notes. Et du coup, j'avais la mention, tous ces trucs-là. Oh ouais. J'ai travaillé comme une dingue. Mention très bien. Non. Bien. Ouais. Moi aussi. Ah bien, c'est. Oh là là. Bien, c'est studio. Que bien quoi. Ouais. En fait, c'est pas bien. C'est la moi, j'étais fier. Bien. Moi, j'ai eu assez bien. J'étais fier. Donc calme-toi. Ouais, j'ai eu rattrapage. Pardon. T'as chié dessus. Non, bien. C'est vachement. C'est donc 14 toi, minimum. Donc 14... tu viens de répondre. T'étais doué. Non, en fait, j'étais vraiment toutes les matières scientifiques, notamment les maths, catastrophiques. Ouais, comme moi. Ouais. Et j'ai fait une option tertre. Et c'est ça qui a boosté toutes mes notes. J'ai fait l'option cinéma et c'est ça qui a boosté toutes mes notes. C'était COEF 8. Et moi aussi, COEF 8. Ah ouais? Ouais, putain, moi ça n'existait pas. Moi non plus. Ah non, vous n'étiez pas dans les bons. Non, moi il n'y avait pas de. Non, ouais, je sais pas. Moi c'était le lycée Claude Monet dans le 13ème et il y avait des options artistiques très fortes. Du coup, il y avait des musicaux. En fait, c'était pas des options, c'était des matières. C'est ça, c'est une vraie matière. On allait au théâtre deux fois par semaine. Exactement. Moi je faisais 8 heures de cinéma par semaine. Mais du coup, il fallait accepter d'avoir cours le samedi. Vous avez aimé le lycée du coup plutôt? Ouais. Moi, j'ai détesté le collège, mais j'ai adoré incroyable. Le lycée. Ouais. Moi, c'est fou pour moi. C'est impensable d'avoir aimé sa scolarité, quoi. Bah, le lycée, moi, j'avais aucune option au lycée, mais j'ai quand même préféré parce que je trouvais l'ambiance était meilleure. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde déteste le collège. C'est incroyable. Le collège, c'est vraiment. Toi, Pierre, non plus, t'as pas aimé le collège? Le collège, c'était plus dur, ouais. C'était des rapports un peu plus durs. C'est ça. Ouais. Et surtout, c'est vrai que l'école publique, et on a la chance en France, elle propose, j'espère qu'elle propose encore ça, mais moi, elle proposait un lycée où t'arrives et d'un coup, je faisais du théâtre tous les jours, j'étais dans mon élément. Ah, mes meilleurs potes, c'était des gars qui étaient en option musique, qui faisaient de la zik toute la journée. Tout le monde était épanoui, quoi. Exactement. Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup de gens. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis, enfin voilà, c'est bien, quoi, qu'il y ait les moyens de mettre ça en place pour les élèves. C'est mais hyper moi, j'ai important. Connu ça avec la fac, en vrai. À la fac, j'ai fait une fac ciné, pour le coup, et c'est vrai que te retrouver avec des gens qui ont la même passion. Ah, quoi. C'est formidable. Ouais, il y a un truc où tu te sens plus compris, plus tu te sens moins tout seul, quoi. Complètement. Mais c'est génial. Mais moi, je savais même pas que c'était possible au lycée. Je l'apprends là. Ouais, je savais pas que c'était un poil tard. Ouais, tu l'apprends un poil tard. J'ai l'impression. J'ai littéralement 44 ans aujourd'hui, donc. J'ai un peu peur que ce soit trop tard. Je vais voir si je peux changer de voix, mais bon, je vais aller voir. On voit quand même les documents. Ne l'aggrave pas. Ne les aggrave pas avec ton agrafeuse, par contre, parce que là, mon avis, ils vont pas les lire. Arrêtez avec cette agrafeuse, qui est quand même un cadeau formidable. Oui, oui. Ça tient nickel. Aux Pays-Bas, une nouvelle mode est en train de bien prendre, à savoir le bombing. Mais alors, en quoi ça consiste le bombing? Des bombes à eau? Non, pas des bombes à eau. Le bombing. Non, rien de glauque. Enfin, un petit peu glauque, mais pas avec des bombes, pas avec des trucs. Bombing. Dans les photos, quand tu show up comme ça derrière les... C'est le photobombe que tu appelles. Photobombe, ça existe depuis quelques... Oui, c'est vrai. Enterre-la directement. Allez, couvre-la de terre. On jettera une rose à la fin. Récupère une petite pelle. Alors, le bombing, Pierre, toi qui es bilingue. Mais non, mais le bombing, j'ai pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec. Il y a de l'eau dans le truc quand même? Pas d'eau. Tu vois? Marrant. Ouais. Est-ce que c'est un truc rapport au corps? Pas au corps. Non. Pas au corps. C'est sur internet? Non, c'est pas sur internet. Dans la rue, un peu. Pas dans la rue, mais le lieu est important. Ah, le lieu est important. À la piscine? Pas à la piscine. C'est plutôt des jeunes qui font ça? C'est plutôt. Je vais même vous le dire, ce sont des enfants. Des enfants? Ouais, des enfants. Des bombings. Ah, c'est des gens qui mettent les enfants sur les... Ah non, c'est pas sur les réseaux. Non. Est-ce que c'est les enfants qui font ça? Alors, c'est les parents qui font ça avec leurs avec enfants. Les enfants. C'est pas le truc de l'œuf là? Non. Sur le front dégueulasse là? C'est quoi? De jeter leur gosse dans l'eau? Quelle horreur ce truc. Tu connais ce truc? Ça me déprime de dingue. Ah oui, moi ça me... Pour les gens qui connaissent pas, c'est... Enfin, vas-y, raconte parce que C'est des gens qui... C'est des mamans ou des papas qui font des recettes de cuisine avec leurs enfants, qui se filment. Sans chanter, déjà. Sans chanter, absolument. En revanche, à un moment donné, il est temps de casser des œufs et ils cassent l'œuf sur le front de leur gosse. Ah oui, pour le surprendre, pour voir sa réaction. Ah oui, mais pas avec le jaune sur la gueule, juste. Si, si, avec tout. Un peu aussi quand même. Ah oui, mais pour moi, il le casse un petit peu. Oui, c'est ça, mais il y a quand même un claque. Il y a un geste violent. C'est humiliant, c'est ultra relou. Bizarrement, c'est un des plus grands traumas de mon enfance. Ah bon? J'étais à l'arrière de la carrière. Ça a dû aller du coup, l'enfance. Hyper bien. Ah non, mais nickel. J'étais. Ça a dû aller du coup, il a dit. Petite cuillère en argent, le cul bordé de nouilles. Donc le lycée, génial, l'enfance, plus gros trauma. Il m'a dit, bon, c'est quoi là? Tu vas chier sur mon enfance maintenant? Non, c'est... Je suis content, regarde avec ses bras croisés. Non, mais en vrai, c'est un truc qui m'avait marqué. J'étais dans la carriole de mon père, j'avais genre 7 ans. Attends, pardon. Oui, western, il est né dans un western. Il vivait dans le jeu. On allait faire réviser le coach. Tu construis une voie ferrée pour relier Baltimore à Los Angeles. Oh là là, mais n'importe quoi, j'étais dans la carriole de mon père. Ouais. Et il y a trois Dalton qui sont arrivés avec des œufs. J'essaie de rajouter des ingrédients qui donnent l'impression que mon enfance n'était pas si ouf. Mais c'était là pour rattraper le côté le plus gros trauma, c'est un œuf. Excuse-moi, j'étais dans une carriole, j'avais le tétanos. Et on revenait de la mine. Et du coup. Non, on était en vélo et j'ai grandi plus ou moins sur une île où mes parents habitent toujours et que c'était une île où tout se fait en vélo et t'as des enfants, tu les mets dans des carrioles. Bon, écoute, c'est comme ça que je te dis. Tracté par le vélo. Voilà, exactement, une carriole tractée par le vélo. Et bref, et j'étais dans cette carriole, j'avais 7 ans et on croise une voiture avec genre plein de mecs de genre 20 ans dans la voiture en train de rigoler et tout, et ils prennent des œufs. Et on se croise et il me lance des œufs dans la tête. Ça fait très mal. Et en plus c'était archi humiliant parce qu'on était morts de rire tous avec des mecs, des meufs dans la voiture et tout. Et j'étais trop mal quoi. Et mon père était parti les chercher, genre essayer de retrouver la voiture et tout, parce qu'il avait la rage, je pense. Tu m'étonnes, putain. Et moi, encore aujourd'hui, je me rappelle du sentiment de honte et tout, de me dire putain, j'ai pris les œufs dans la gueule et tout. Je comprends parce que moi, mon frère m'a fait ça, mais avec de la merde. Cheval. Waouh, c'est violent. C'est pas la même enfance. Ça va un peu loin. Voilà. Il y avait pas de mais carriole. T'étais dans une carriole ou non? On était dans la forêt. Que là, c'est juste. Bon, bah, ça va. J'avais ressenti l'humiliation aussi un peu. Un chouïa. Ah, j'imagine. Un chouïa. Le fait de vivre avec le tortionnaire, en l'occurrence, oui. Ça n'avait pas dû aider. Et le fait que ma tante qui nous accompagnait pleurait de rire n'a pas aidé. Waouh, ça fait des vocations. Ça, moi, c'est des vrais souvenirs. J'embrasse mon frère, évidemment, tout est pardonné. Mais il y a une autre tendance qui m'a rendu fou, moi. Je sais pas si vous l'aviez vu, c'était les gens qui filmaient leur gosse qui était vraiment petit. Ah, horrible, et je sais ce que c'est. Ils disaient, ah, t'es pas sage, j'appelle la police. Ouais. Vous l'aviez vu ce truc? Horrible. Et les gosses hurlent, ils sont en larmes et tout. Ouais. Et horrible, tout le monde ça. Dans les commentaires sont putain trop marrant comment il pleure. Ça c'est un peu la faute. Je trouve ça terrifiant. C'est un peu la faute de Jimmy Kimmel aussi qui faisait ça à l'époque. Et à l'époque tout le monde trouvait ça marrant. Il faisait ça avec les Halloween. Oui, mais il disait, ça va. Désolé. C'est pas pareil. C'était quand même un peu un truc. Il faisait aussi. Quoi lui? Il faisait non, quoi, lui il disait désolé, c'est Halloween ou c'est Noël. Il disait il y a pas de cadeau cette année, il y a aucun cadeau ou bah il y a pas de bonbons, tous les bonbons étaient mangés et tout, et tu voyais vraiment les enfants fondre en larmes. Mais la police là, c'est horrible, c'est violent. Les gosses ils disent On va l'envoyer en prison. Non, mais en fait, c'est un faux. Il lisait un enregistrement audio d'une voix qui disait oui, on va l'envoyer en prison et tout. Et les gosses hurlent, ils pleurent. C'est atroce. Il les supplie de raccrocher. Après, et puis après, de pas leur pompote. Oui, non. Tu vois, à un moment, t'es un peu. S'ils mangent pas correctement. Ouais. À un moment, faut mettre des limites. L'éducation positive, ça va. Non, il y a un truc mignon, c'est. Il y a un téléphone. Waouh. Bonsoir. Bon, ça va, on va passer. Tu sais, il y a un peu de montage. Téléphone posé que le gamin voit a priori pas. Et il dit attends, la maman dit je reviens dans une minute. Il y a vraiment un saladier entier de bons becs. Ah, tu oui. touches pas les bonbons, hein. C'est Balasco. C'est Jordan Balasco. J'allais le dire. Je connais pas. Je pas les et donc elle part la mère et elle laisse le gamin devant un saladier de rêve. Ouais, ça va, je trouve ça marrant. Ça c'est adorable. Parce que il vraiment. Ceux qui mangent, parce que c'est évidemment ceux qui mangent les plus mignons. Il les tabasse, malheureusement, après. C'est le seul truc. C'est la fin de vidéo, je dis oh. Le bémol. Il y a l'attente d'Adrien d'avoir fait. Sale merde. Mange-la, la merde, sale con. Allez. Oh, tata. Tata. Oh, enfin. Sacré tata. Non, mais moi, celle où je sais pas, je m'en remets à votre jugement, c'est celle qui à la fois me fascine et en même temps, je me dis, c'est pas cool du tout. C'est ils font croire, ils se mettent toute une famille dans un salon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et ils mettent un enfant sous une couverture. Ils font genre, on va te rendre invisible. Ouais. Ils retirent la couverture et ils jouent tous. Tout le monde joue bien le jeu. En plus de dire oui. Putain, mais arrêtez, il est où? Non, mais c'est quoi ce délire? Il est où là? Ah, et tout. Ah. Et lui, il est là. Mais je suis là. Et après, ils font attendez, on prend une photo de l'endroit où il était. Donc ils prennent une. Ils font ils prennent une photo de l'enfant. Parce que l'enfant les touche. Oui. Et ils font genre. Ah, putain, c'est quoi? Il y a un truc qui m'a touché. Donc ils disent attends, prends une photo de l'endroit où il est. Ouais, il joue bien. Ouais. Il joue plutôt bien. En tout cas, tout le monde se donne à fond. Assez pour qu'un enfant de 9 ans, 8 ans y croit. Et ils prennent la photo. Et tu sais, en fait, ils ont pris la photo à vide. La veille, ouais. Ouais, ou la veille. Et du coup, ils montrent après à tout le monde. Et l'enfant regarde lui-même et il se voit pas sur la photo. Je sais pas si j'aime. Je viens de décider que j'aimais pas. Ah non. Toi t'adorais. Non, j'ai décidé que j'aimais pas. J'ai décidé. Non, j'ai dit sur écouter. J'ai dit je sais pas quoi. Je m'en remets à vous et j'ai dit ça me fait. J'aime pas. Non mais parce qu'il faut voir la réaction de la gosse qui est. Elle tombe par terre en larmes quoi. Elle est désespérée quoi. Non, j'ai pas dit que j'aimais. J'ai dit je m'en remets à vous. J'ai deux ânes. J'ai déjà deux ânes et donc tu vas me parler sur un autre ton. Et j'ai deux enfants à qui je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Ils ont rigolé. Et ils ont ri après. On va pleurer, je veux dire. Plus tard, quand on a dit que c'était une blague, ils ont plus tard. Elle a 16 ans, elle arrive maintenant. C'est pour ça que j'ai dû acheter deux ânes pour les consoler. Un âne chacun. Allez hop. Mais oui. Ce bon bing. Ah, je suis content qu'on y revienne. Hop là. Donc c'est les parents qui font ça avec leurs enfants. Ouais. Je disais le lieu était important. Compte, ouais. Et l'enfant est consentant ou c'est un peu C'est consentant, mais c'est particulier. C'est dans des parcs à jeux? Alors, on se rapproche. Toboggan? Non, c'est dans des forêts, je peux vous le dire. Oh là, c'est bizarre. Bombing dans la forêt. Bombing? C'est avec des champignons? Il y a pas de champignons. Des chevaux alors? Il y a pas de chevaux. Non, bah ça va. Bah, on sait pas. Des carrioles? Pas de carrioles. Oh, ouais, pas la moindre carriole. Bon bah tout va bien. Là, ça me rassure. En forêt, ça c'est de l'acrobranche? C'est pas de l'acrobranche, mais on se rapproche d'une activité. Non mais on se rapproche. Mais ris pas toi, il se rapproche. Tu te rapproches de l'activité. C'est le mot acrobranche, hein, moi qui. Oui, il est fou. C'est un truc que font les scouts. C'est les scouts des Pays-Bas qui font ça. Quoi, oui? Bah quoi? Eh oui. Les scouts, des trous pour aller aux toilettes? Non, pas des trous pour aller aux toilettes. Ils lâchent les enfants en nature et les enfants doivent retrouver leur chemin. Très bonne réponse, Pierre Linet. Très très très bon. Le petit poussé quoi. Franchement. Ouais, sans les cailloux. Pour leur donner des skills de survie et tout. Exactement. Wow, le dropping et l'argent social. C'est des survivalistes qui font ça. Il a changé, il a dit le dropping. Il avait dit le bombing. Ouais. Le bombing, pardon, le bombing. C'est écrit bombing. Ça va D'où tu sors dropping par contre? C'est parce qu'à un moment j'ai mis dropping, à un moment j'ai mis bombing. Parce que moi ça m'étonnerait pas que ça s'appelle plus dropping parce que tu les drops en forêt. Parce que j'allais dire bombing, je comprends toujours pas. Waouh, c'est ça. Alors, il nous fait deviner un truc depuis le début. On est là, West France. Alors, les deux mots. Alors, ils peuvent se planter. J'ai peut-être copié-collé sans relire. Ils peuvent c'est se planter. Non, West France peut se planter. Parce que c'est vrai que finalement, en traduisant, on aurait été bien plus vite. Oui, je pense que le dropping, c'était. On aurait trouvé tout de suite. Ouais, mais ça nous aurait enlevé l'anecdote de la calèche. C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. C'est une calèche. Donc, 120 000 membres dans le pays, les jeunes scouts sont répartis en petits groupes, amenés dans une forêt, les yeux bandés, généralement à la tombée de la nuit, aux abords d'un bois ou d'une forêt. Avec des loups. Ouais. Non, plus ça va, plus c'est Squid Game en fait. Et on lâche trois bûcherons. Non, ils doivent ensuite s'organiser pour retrouver leur chemin en utilisant leurs compétences d'orientation à l'aide d'une boussole. Cette activité vise à développer l'autonomie, le travail d'équipe et la prise de responsabilité chez les enfants. Si, moi pourquoi non, pas. J'aime pas. Moi, j'aime s'ils pas. Sont invisibles, c'est ok pour Pierre. Tu leur fais croire qu'ils sont invisibles au milieu du truc. C'est ok. Non, mais attends, c'est des scouts ou pas? Oui, c'est des scouts. Ah, c'est des. Bah oui. Et alors, que ça change, c'est un uniforme, c'est tout. Oui, mais tu sais, ils ont ce truc. Oui, mais ils sont entraînés. Ils viennent pour genre. C'est encadré et tout, quoi. C'est pas des vrais enfants, c'est ce que tu veux dire, Adrien. C'est ça. Comment vous occupiez-vous quand vous étiez enfant? Quand vous étiez Géraldine, quand tu étais. T'as toujours été à Puteaux, enfant, ou ouais, t'as déménagé? Toujours été à Puteaux. Ouais. Moi, je m'occupais principalement en allant faire yèche mon frère dans sa chambre. D'accord. Okay. C'est vraiment ma plus grande préoccupation. Et comme il avait 7 ans de plus que moi, on rentre en chantant du Lio ou du Mylène Farmer. Très bien. Sachant qu'il écoutait lui-même à cette époque-là The Cure. Donc ah oui, vous voyez le clivage. Donc Banana Split. Mylène Farmer, The Cure, entre guillemets, pas si éloigné. On vrai, est quand même vrai. Sur une ambiance. Oui, mais tout est chaos à tue-tête. Oui, c'est vrai, j'entends. Fatigant quand même. Elle chuchote, oui, je vois ce que tu veux dire. Je faisais ça, je faisais aussi, quand, pendant les vacances scolaires, il dormait bien entendu le matin et je testais un truc qui marchait, qui est assez imparable. Je rentrais dans sa chambre au moment où je me réveillais, c'est-à-dire 7h10. Je m'asseyais en tailleur face à son lit et puis je me disais, il paraîtrait que si tu fixes quelqu'un, il se réveille. Ouais. Ça marchait, il hurlait, il sursautait. Terrifiant. Ouais. Assez rapidement, t'avais pas besoin d'attendre trop longtemps. Parfois, j'attendais longtemps quand il était vraiment mort, éclaté. Mais sinon, en tout cas, ça marchait à chaque fois. Oui, bah au bout d'un moment, il se réveille, quoi. À chaque fois. Quand il était des fois, midi j'attendais une heure ou deux et ça marchait au bout d'un moment. Sur c'est les comme les midi. Gens qui disent j'ai un rhume. Tu prends des huiles essentielles, au bout d'une ou deux semaines, t'es guéri. Hein. Oui, t'as guéri ton rhume, comme quand tu prends rien, quoi. Voilà ce que j'ai fait, c'était ça mon activité favorite. C'est marrant, c'est une différence d'âge pas si éloignée de toi et ton frère. Vous 7 avez ans quel aussi. Âge 6 ans, ouais. Ouais, ça va, voilà. Toi, tu le faisais pas trop chier, visiblement, c'était plutôt l'inverse. Plutôt lui qui me faisait chier, c'est vrai. Ça. C'est vrai. Comment tu t'occupais, toi, quand t'étais enfant? Pas mal d'activités, solitaire plus. Genre jeux vidéo, dessin, trucs comme ça. Agrafeuse. Voilà. Bah, c'était un rêve. Ouais, à l'époque c'était inatteignable. C'était un rêve inatteignable. Ouais. Non, j'en offre, c'est rien pour moi. Quoi. Pierre, comment tu t'occupais enfant? Moi, enfant. Sportif ou pas d'ailleurs, Pierre? J'ai fait beaucoup de roller, mais à partir de mes genre 12-13 ans. J'en ai fait aussi du roller. Carriole, cricket, une enfance normale. Hein. Ah non, mais roller agressif, roller parc avenue. Rollerball. Oh là. Ouais, j'allais. Oui. Ouais. C'est vrai. Non, mais si, ouais, grave. J'avais des potes qui étaient sponsorisés et tout. Enfin, c'était ma vie, quoi. Attends, parc avenue? Roller parc avenue, c'était à Vitry ou à Ivry. Ouais. Et à Ivry. Et c'était un grand truc. D'ailleurs, j'y ai pensé hier. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien y retourner. Et on faisait de la rampe. Et on faisait des slides et tout, quoi. En vrai, ouais, les immenses rampes, là, à la Tonio. Il y avait la battle de gang, comme moi, il y avait à Montréal avec les skaters. Vous étiez plutôt potes. Non, les skaters. Et les rollers s'entendaient pas trop. C'est ça, bien sûr, c'était un vrai. Ah, je savais pas. Ouais, moi, je il y avait rien, un mépris, ouais. Je traînais avec les skaters, ils aimaient pas les rollers. Non, et non, ça attire les meufs un peu en plus. Non, pas du tout. Wow. Alors là, vraiment l'inverse. Les skaters, ah, oui. Ouais, l'inverse. Bah, les skaters, c'est plus sexy. Ouais. Les rollers, c'est des gros trucs un peu chum, tu sais, avec le gros baggy qui recouvre et tout. Ah, ça marchait et pas. Et ça marchait pas. Pour moi, en tout cas, ça marchait pas. Puis après, moi, j'aimais bien dessiner. Je dessinais beaucoup aussi. Genre, je faisais un peu des longs. Tu sais, chez moi, j'aimais bien. Je sais plus, j'avais vu une fresque un peu moyenâgeuse. Tu sais, comment ça s'appelle les trucs très longs? Une fresque, là? Une frise, un peu. Oui, ouais, c'est ça, une frise. Et tu sais, avec des batailles représentées très longues. Et je sais pas, j'avais bugué là-dessus pendant des années, j'ai fait ça. Ah, génial. Ah, ouais. Mais j'ai vu que tu dessinais bien, je t'ai grillé. Non, pas très bien. Ah, oh, c'est fou. Bah, c'est ceux qui dessinent bien qui disent non, pas très sur bien. Sur combiné, là. Bah oui, mais non, mais c'est pas hyper pas, bien. Vraiment, Adrien qui dessine vraiment bien pour le non, coup. Non, bah si. Ah, ouais, donc il y a que des gars qui dessinent. Vous êtes deux super. Non, alors moi, c'est une vraie cata. Ah, voilà, toi, je te crois. C'est vraiment cata. Oui, voilà, bah, malheureusement. Moi, je te crois sur ton problème. C'est ton problème. Flo qui sait pas faire un truc. Oui, c'est bon. C'est pas évident pour nous. Parce que les mecs qui disent non, je dessine pas si bien. Avec ce ton posé là, ça veut dire que tu dessines bien. Non, non, vraiment pas. Je sais dessiner trois trucs. Tu vois, c'est comme en guitare, je joue pas bien. Je sais jouer. Il y a une dizaine d'accords et je peux faire tourner des trucs. Je peux animer une soirée, je peux faire un concert. C'est plus de 2000 personnes. Les gens vont être frustrés en face. Je l'ai fait, évidemment, je l'ai fait. Il joue très bien et il chante très bien Tété, Pierre. Et sur tournage, il y avait Leslie Mélina. Tu m'as défoncé quand j'ai posté cette vidéo. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette... elle m'a accueilli sur le plateau de Fiasco. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais parce que tu postes pas ça à premier degré. En revanche, c'est super, mais devant tes potes ou dans sur ton TikTok, salon. Sur TikTok, je l'ai fait. J'avoue que sur TikTok, je me sens une liberté assez grande. Parce que vous n'êtes pas sur TikTok. Mais à un moment donné, ça va tomber. Oui, le problème, c'est que ça vous revient aux oreilles. Alors, l'entourage est dur. Parce que là, je découvre un point commun entre Géraldine et Carlito qui est de critiquer ce que tu postes. Oui. Ah c'est vrai. Ah bah Carlito dès qu'il fait je déteste ta ligne éditoriale. Ouais. Il dit là non, t'es trop premier degré. Là. Je n'aime pas tes photos premier degré. Il me dit dès qu'il me voit. Quelle ordure. Tu vois quand il parle comme ça et qu'il dit il t'assène des belles vérités dans les yeux. Sorti de nulle part. Parle d'autre chose. Ouais, ton compte Insta. Non, en revanche, moi je trouve que tu joues bien et tu chantes bien. Et sur le plateau, il y a l'actrice qui s'appelle Leslie Medina qui est aussi chanteuse. Oui. Et parfois entre les prises quand ça a changé. Des petites armos. Et tout. Non mais des armos de fou. Ah ouais! Mais de fou les deux! Non, elle est chanteuse, donc c'était un peu normal, mais si, c'était c'est génial! Superbe! Oh merci! Ah oui! Didier était avec nous sur le plateau. C'est le régisseur. Non mais Leslie Medina, moi j'adore sa musique, allez écouter, franchement c'est trop bien. Et elle joue trop bien dans Fiasco. On trouve qu'on la voit pas beaucoup en fait. Très très drôle. Comment ça on la voit beaucoup? Pas dans toute la série? Non. Dans Fiasco, je veux dire. Parce qu'on la verra maintenant. D'habitude, je pense pas que les gens la connaissent pas forcément encore en acting. Fiasco, on va la voir beaucoup, tu vas voir. Exactement. J'en suis sûr et certain. Est-ce que d'ailleurs, des fois vous avez appris des skills avec des rôles que vous avez accepté? Oui. Bien sûr. Oui. Ouais. T'as bien dit. Vas-y, commence. Bah non, moi pour Monte Cristo là récemment, j'ai fait escrime, cheval que j'avais jamais vraiment fait et apnée. Ça c'était très cool. Apnée avec le champion du monde d'apnée, j'ai adoré ça. Je veux en refaire. Ah ouais. Ouais. Et j'ai trouvé vas-y, ça. Vas-y, hein. Non mais vas-y là. Ah, allez, 3. Attends. L'émission continue ou on laisse un silence? Non, nous on continue. T'inquiète. Et tu... Nous on va commenter un petit peu. Ok, ok. Allez. 3. Bah, je vais parler quand même, mais je reprendrai jamais mon souffle. Ok, ça va. Et ce sera vers la fin de l'émission, je pense que je vous dirai. Et voilà. 32 minutes 57. Bravo. Non, et du coup, t'as fait des petites pointes? Non, tout, du coup, j'ai fait de l'apnée. Alors, je peux vous prendre 2 minutes pour vous raconter ça. Le champion du monde d'apnée est venu. On est allé en piscine. J'ai fait une apnée de 1 minute 20, qui était donc pas ouf. Et il m'a donné des tips. Genre 4 tips à appliquer dans la piscine où on était. J'ai fait les 4 tips qui paraissaient... Moi, je me suis dit, je vais gagner 20 secondes. Ouais. J'ai fait 3 minutes 40 à ma deuxième apnée. Et t'as vu comme il va pas les dire, les tips? C'est comme les magiciens. Je vais pas les dire. Non, mais est-ce que c'est vrai que quand tu fais de l'apnée, il y a genre un moment où tu dis, putain, là, je vais étouffer et qu'en fait... Tu peux passer ce cap. Ouais. Un vrai truc, moi, j'ai vraiment eu ce truc-là. Enfin, comme le second souffle quand tu cours et tout. Quoi. Ouais, exactement. Ah ouais, exactement le même truc où tu dis oh c'est chaud. Et si t'as bien géré ta prépa, en fait, après, hop, tu passes ce cap et il te reste encore potentiellement 30 secondes, une minute, putain, une minute 30. Incroyable. Et j'étais fasciné par les histoires que tu dois connaître de plateaux de tournage genre Avatar et tout où ils nous disent Kate Winslet a fait genre 6 minutes, 7 minutes d'apnée, Tom Cruise aussi. Ouais, et du coup, très vite, je lui ai dit. Gars, c'est du mytho, les Américains, c'est pas possible, faire 7 minutes d'apnée et tout. Il m'a dit, alors, c'est vrai et pas vrai, le temps est vrai, mais ce qui est complètement différent de ce que lui, il fait de l'apnée c'est pure. C'est qu'ils ont une petite bonbonne d'oxygène. Ils ont une petite bonbonne d'oxygène. Qu'on efface avec les effets. C'est le seul truc. Non, mais c'est pas si loin, ils prennent de l'oxygène pur avant l'apnée. Ah oui, du coup, c'est... Deux fois plus. Ah ouais, c'est pas l'air ambiant. Tu doubles ton temps. D'accord. En fait, ils prennent de l'oxygène pur avant, ils respirent genre je sais pas combien de temps, genre j'imagine 5 minutes ou 2 minutes avant dans de l'oxygène pur dans une bouteille et ils y vont et tu doubles ton temps. Incroyable. T'as pas fait ça? Non, moi j'ai pas fait ça. Pas besoin. Non, pas besoin. Bah non, mais la scène, elle demandait pas elle demandait en vrai une trente d'apnée, mais j'étais en fait, c'est une scène c'est la scène d'évasion si vous avez lu Monte Cristo, c'est la scène avec les tortues là. Les tortues. Non, je sais pas, j'ai dit oh waouh. Mais j'ai eu un pic de stress en me disant je ne me rappelle plus de ce passage. Alors, dans le livre, c'est catastrophique. Il confond Monte Cristo et Madagascar, ça décharge. Ah pardon. Ouais, non, ça n'a rien à voir. J'ai lu les deux. Et Tortue Géniale, c'est deux personnages très différents. Hein, ouais. Confond absolument. Il y a des points communs. Je suis pas très littérature peut-être. Non, il y a une scène d'évasion et on a essayé de la faire en plan séquence, on a réussi donc c'était cool. Et pour ça, il fallait que je plonge dans une fosse enfermée dans un sac et que j'arrive à ouvrir peu à peu le sac qui a été ficelé. C'était le truc le plus flippant de ma vie. C'est drôle parce que c'est attends, pardon, c'était l'avion il y a 5 minutes, le truc le plus flippant de ta vie. Non mais pardon, tu le laisses. Je débunk. C'est la carriole. C'est marrant parce que il y a un petit jeu plus tard en lien avec la série Fiasco. Oh là, mais combien de jeux? Parce que Pierre a dit qu'il je suis venu avec un jeu. Mais et du coup, j'ai fait des recherches sur les tournages qui se passent mal et sache que ça c'est arrivé sur le Insaisissable, je crois, le film de Louis Leterrier. Il y a quelqu'un qui est mort, non? Non, alors pas tout de suite. Non. Non mais Isla Fisher, l'actrice qui est dans plein de films, merde, Serial Nosser entre autres, et elle est dans Insaisissable et pareil, elle est elle joue, c'est dans des magiciens, et donc elle est attachée. Et dans le film, elle est censée réussir à se sortir. Sauf que dans le film, elle n'y arrive pas et elle se noie. Ah. Mais c'est dans l'histoire du film. Oui, je comprends. Et bah, ça lui est arrivé en vrai. Donc personne n'a compris tout de suite. Non, non, j'y ai pensé, évidemment. Ouais. Et non, en fait, autre anecdote, il m'est arrivé quasiment ça sur. Sur l'Odyssée, j'étais au fond d'une piscine et je devais faire un accident d'avion, d'hydravion qui se plante dans l'eau. Et du coup, je jouais effectivement le gars qui vient et le plongeur sécurité qui était censé me donner quand j'étais en galère. Je devais croiser les bras pour qu'il comprenne qu'il fallait me donner de l'air. Il était retourné, il faisait des bulles devant la caméra avec la bonbonne d'oxygène. Ouais, ok, d'accord. Ça, j'aime pas. Mais là, on est sur Une faute professionnelle. Ouais. clairement, oui. C'est les selfies. Ce plongeur, c'est Pierre Linet. Non, mais je te jure, j'ai tendu mon bras. Ce plongeur n'était pas dans Monte Cristo derrière. Non, du coup. J'ai pris un autre gars. Elle est folle parce qu'en fait, non, mais c'est la faute un peu de tout le monde. C'est que les gens faisaient pas ses gaffes et il lui avait dit: ah, c'est bien, on a vu des bulles, tu peux en faire plus devant la caméra. Et lui, il a dit: ah, ok, erreur de sa part. Ouais. Il a fait ça, j'ai demandé l'air, il me l'a pas donné et j'ai commencé à voir la lumière s'éteindre. Perte de lumière et peu à peu, je voyais plus qu'une petite lumière de la piscine. Et là, il m'a vu partir pour de vrai, je pense. Et je pense que j'avais gardé les bras comme ça et il me l'a mis dans la bouche. Et je suis revenu. Et c'est là, j'ai vraiment flippé. Et après, ce mec a géré. Les armes à feu sur un tournage de Alec Baldwin. Il fait son petit bout de chemin. Hein. Il a conquis les States. On peut pas dire différemment. Toi, Géraldine, t'as fait des tournages dans la jungle et dans le désert et tout. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Parce que moi, j'avais écrit un film qui se passait dans la jungle. On m'a dit que les tournages dans la forêt, la jungle du Marsupilami, elle était un petit peu vénère. Alors après, c'était une jungle privée. What? Mal. Ouais, n'importe quoi. Parce que comment il s'appelle, Apocalypto là? Non. Apocalypse Now. Apocalypto. Ouais, avec Mel Gibson, de Mel Gibson. Ouais. Mel Gibson avait fait privatiser une partie de jungle et l'avait carrément, parce qu'il est fou allié. Acheté quoi. Il l'avait acheté et donc il avait fait mettre des traitements, une horreur. Il avait détruit la planète. En revanche, Alain Chabat fait des repérages un peu partout dans le monde. Il tombe sur cette forêt qui a repris un peu de vie. Et du coup, quand on arrive, je vous confirme qu'elle avait repris de la vie, puisqu'on était parfois situé comme ça au milieu des herbes, etc. Et puis il y avait des mecs qui passaient avec un bâton et qui tapait comme ça sur les pierres juste autour de nous. Et donc il disait: mais tu fais quoi? Il disait: mais non, mais c'est rien. Et puis il levait les pierres et puis il sortait de là des serpents de couleur. Vraiment, j'ai vu des serpents rouges, des trucs comme ça. Il les mettait dans des sacs et il allait les dégager plus loin. Et on a été notamment attaqués par des singes aussi. Attention, ça me plaît. C'est une spécialité ici. On adore les singes violents. C'était pas très drôle. Ah ouais. D'abord parce qu'ils étaient très haut perchés dans des arbres très très très très très hauts. Pour l'instant, c'est très drôle. Malheureusement. Non, mais tu peux tuer. Non, c'est pas drôle, ils jetaient leurs excréments. Donc c'est Ne riez pas, Adrien. À quel point c'était glauque. Avec l'autorisation de ta tante. J'entends que sur place c'était horrible. Par contre, dire, décor et tout. C'est pas drôle. Ils étaient très hauts. Ils jetaient des noix de coco. Oui, bah c'est hilarant. Pardon. vu d'ici, c'est vraiment. En plus, on était comme des connards, évidemment, à tous dire: mais c'est trop mignon. Et puis à un moment donné, quand on a vu qu'il y a un mec qui saignait, on s'est dit: attends, mais ils sont descendus vous taper ou ils ont jeté des trucs? Ils ont jeté des noix de coco. Des noix de coco? Ah oui, par de vrai. On parle de un truc grave. Une noix de coco, tu peux vraiment te faire mal. Mais oui, c'est cartoon un peu. Malheureusement pour vous. Imagine Donkey Kong Country sur Super NES quoi. Imagine que ça arrive à Ville Coyote, tu rigoles un peu. C'est moins drôle mais. Et sur un autre film, on a tourné dans le désert au Maroc et le chef op s'est brûlé. Ah bon. L'œil en filmant le sol. Il brûlait la rétine, genre avec la réflexion, la lentille. Avec la réflexion de la lentille, c'est brûlé. Lui, il avait pas bien réfléchi pour le coup. Non, mais je sais pas. C'est la blague de Pierre Ninet. C'est la blague de Pierre Ninet. Ça m'a fait plaisir. Voilà, j'avais deux anecdotes sympathiques. J'aime beaucoup. J'adore. Très, très bien. Super sympa. Alors, justement, on en parlait. Pierre, tu as un âne miniature. Oui. Star des réseaux sociaux. Eh bien, j'ai envie de te parler de Joey, qui est un âne d'un gabarit, somme toute, banal. Roger. Oui, David m'a proposé. David, pas du tout. Il n'y a aucun problème. Non, un autre pote avec qui on joue au basket. Adrien, parce que mon pote s'appelle David Adrien pour le coup. Adrien m'a proposé d'appeler mon âne Roger. Ah, parce qu'il a pas de nom l'âne encore. Mais si. Il a déjà un nom, mais il m'a proposé de changer le nom pour Roger. Pourquoi il me propose de l'appeler Roger? Roger Anin. Je le connais par cœur celui-là, c'était évidemment sûr. Et donc comment s'appelle l'âne? Parce que là c'est. Il avait déjà un nom quand nous l'avons récupéré. Il avait déjà déjà un nom. La miniature. Non. Oui, Sharif Aluna. J'avais pas la ref. Il avait les mots. J'ai adoré. Alors vas-y, il avait déjà quoi comme nom? Neroli. Bah c'est super. C'est trop un peu. C'est un peu trop. Ouais, non, mais c'est trop. Ouais, trop même... de choses. Ouais, moi j'aime oui, bien les noms. Oui, t'as envie que ça s'appelle Poupouille ou ouais. Bah ou non, normal, mais... Pascal. Ah bah non, moi non, tous non, les prénoms d'êtres humains je veux pas déjà. Ah ouais. Ça m'angoisse chez les animaux. Ah, il s'appelle Benoît, mon chien. Bah non, non. Ah ouais. Ça m'énerve et c'est insultant pour les Benoît. Un débat dans Didier. Francky, par exemple. Est-ce que t'avais un autre âne avant l'arrivée de l'âne nain? C'est ça comme non, ça. Non, ils sont arrivés tous les deux ensemble. Ah, ok, parce on les que a je récupérés. Trouve qu'il y en a un que vous aimez plus que l'autre non, parce qu'il est plus mignon. Non, non. Et bah, figure-toi que j'ai presque plus d'affinité avec Athéna qui est la grande. Ah, d'accord, j'espère. Ouais, parce on a là, fait tout un Scrabble, ouais. Tout le monde s'enflamme un peu sur la petite là. Bah évidemment, le petit. Évidemment. Dès qu'un truc est petit, là, son. Enfin. Non. Attention, attention. Oui. Ouais, que, ouais, bah, attention au pire. Quoi, bah quoi ouais, bah, arrête, ouais, là, ouais, arrête. Ah, elle aime pas toutes les vannes un peu. Non, j'aime pas. Allez, ah bon non. Ah oui. Quoi, graveleuse là-haut. Ça et les yep. Ah non, ça non. Ah ça non. Ça non. Hein. Alors ça c'est non. Les pieds, ça te dégoûte? Arrête. Une blague. Quoi que ce soit lié aux pieds, faut pas y aller. Mais il y a quasiment deux épisodes entiers de fiasco autour de ça, vous le savez quand même. Je sais pas si tu... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une histoire de pied quand même. Complètement. Oui, oui, oui. Complètement. Bon, alors, donc on parlait. 30 avril. Oui, bien sûr. Pardon, non, mais. Sûr, non, mais... donc, effectivement, moi je vous parle de Joey, qui est un âne, ouais. Voilà, d'un gabarit tout à fait normal, qui est hélas dépressif et constipé. Oh. Ah oui. Qui est le nom de l'autobiographie d'Adrien, pour le coup. Qu'ont dû faire les vétérinaires. Joyeux anniversaire. Ah, ouais. Qu'ont dû faire les vétérinaires afin que l'animal se sente mieux. Le branler. Bah non. Bah le mettre avec un le autre. Le branler les pieds peut-être. Bah non, mais pour la partie de dépression, je voulais oui, dire. Oui. le mettre avec des chevaux ou avec un autre âne ou avec des autres animaux. Parce que les ânes, ils aiment pas être tout seuls. Alors justement, alors tu fais bien joué, dire, tu connais ouais. bien les animaux. Bah oui, il y en a. Puisque l'animal est tombé en dépression à cause de la mort de sa mère. Ah oui, bah, oui. Est-ce qu'ils lui ont montré à la télé des trucs? Un petit film avec un âne. Non, mais je sais pas. Shrek, tout simplement Shrek. Non, non, non. C'est un truc qu'ils lui ont tout fait. Simplement Shrek qui est le prochain film de Jean-Pascal Zadi. Ouais, mais moins pas engagé. Sûr du ouais, engagé, celui-là. Je suis pas sûr du choix, mais mais après il faut qu'il y aille. Hein. Non, c'est un truc qu'ils lui ont fait ingérer. Ah, ouais. Ah c'est de la de... drogue. Non, pas de la drogue. Du CBD, non, ouais, non. Non, pas de CBD. Constipé, c'est quoi? Faut manger quoi quand on est constipé? Mais me regarde pas, c'est une blague. Bah des fibres, des fibres. Alors c'est pas des fibres. Mais c'est un truc pour le soigner de sa constipation. Oui, apparemment, mais ça, c'est ça surprenant. Fait les deux. C'est bah oui, surprenant. C'est surprenant. Ça fait les deux. Manger. Ça, enfin, ça soigne et sa dépression et sa constipation. C'est surprenant. Ah, mais du coup, c'est applicable à l'âme? Bah, je sais pas. Pierre qui est un peu intéressant. Ah, ouais, ouais. Attends, c'est quoi? Attends. Non, parce que le moral non, mais est là, mais. Non, mais en vrai, je me dis que c'est un produit magique dans ce cas, ils ont trouvé un truc. Ah peut... oui, moi, ça. C'est ça... surprenant de le faire boire à un âne. C'est juste. Ah, c'est liquide. De l'alcool. Non, pas de l'alcool. Un soda. Ah, ils auraient pas pu. Pétillant. Coca, oh, Coca-Cola. Du Coca. Ah ouais? Oh, ils passent du Coca. L'âne. Ils ont passé du coq à l'âne. C'était la blague de Pierre. La blague de Pierre, c'est la blague de Pierre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer du coq à l'âne. Bah oui, super. Ouais. Mais on l'avait, t'inquiète. Non, mais c'est trop bien. Ouais, de... parce que la en fait, c'est fois, trop il bien. A mal dit, c'est vrai. Oui. Ouais. T'as dit du coq à l'âne. Oui, oui, c'est dommage. Donc, effectivement, l'animal dépressif ne s'alimentait plus, était constipé, de quoi provoquer une sérieuse occlusion intestinale. Et pour guérir la bête, il a donc fallu faire preuve de créativité. Les vétérinaires ont ainsi pris la décision. Il était pas dépressif, il était malade en fait. Grâce à un tube nasal directement relié à l'estomac de l'animal, 24 litres de Coca-Cola. Bah arrête. Moi, je vous jure, c'est plus que Florent. Ouais, ça m'énerve un peu parce que c'est sûr qu'il y a des médicaments pour ça qui sont faits pour ça. Une méthode pourquoi peu banale. Pourquoi du Coca? C'est sûr qu'il y a des trucs. Et, C'est qu'ils ont dû essayer avant quand même. Bah oui, je pense qu'ils ont fait plusieurs tests. Non. Oui, oui. Alors, par contre, un truc qui cloche pour Inspecteur Méniel. Il est en train de relever son col de veste là. Ouais. Il est pas très content. Il va mettre son imper. C'est comme les gens qui disent pour nettoyer une pièce, tu la mets dans le Coca. Non, c'est pas pareil. Bah, mais là, dans l'acide citrique, en fait, parce que c'est ça qui nettoie la pièce. Oh, waouh, ouais. Il a jeté un pavé dans la marne. Dans vos gueules, hein, pardon. En Seine-et-Marne, non, soit vous savez quoi, on va passer à d'autres jeux, comme ça au moins. Super, mais non, mais si, quand Des jeux. Ou pas. Oh là, c'est vrai que Géraldine n'aime pas les jeux. Ah, ça peut me saouler un peu. Oui, mais t'avais dit ça et tu t'étais régalé. Ah oui. Bah, c'est vrai qu'on fait que des jeux depuis le début. C'est étonnant, je connais que deux personnes qui aiment pas les jeux dans la vie. Ah bon? Non, toi et Marum. Poutine. Poutine, Hitler et toi. Qui est le nom de mon auto-autobiographie. Bon, ça, je vous en reparlerai. Non, c'est un jeu promo. Donc, franchement, sautez. Il faut le faire celui-là. Celui-là, faut le faire. Pour le 30 avril. Ah ouais. Oui, mais merde, Fiasco. Ce serait trop con. Série de ouf. Vous venez parler de la série Fiasco. Fiasco, parce qu'on l'a même pas vraiment dit. C'est quand même l'histoire d'une série. C'est une série qui raconte un jeune réalisateur qui interprète Pierre Niney. je me lance. Comme tu souhaites. Ouais, je me lance parce que souvent, j'aime pas dans les interviews quand on demande aux gens de pitcher. Vous pouvez résumer, pitcher. On a l'air desperate. On c'est a l'air. Moi, je l'ai fait là. Allez le voir. Alors qu'on n'a pas besoin, ça va cartonner. Oh là, attention. Allez le voir quand même. Par sécu. Bah, tout est tellement numéro 1 sur Netflix que quand c'est pas le cas, tu fais oh là, ouais. Ça doit être une cata. Oh là, ils sont numéro 2. Oh là, ils sont numéro 2. Arrête, c'est horrible, j'avais pas pensé à après, ça. Pour notre défense, la comédie, c'est pas les films d'action et c'est pas les drames. Ça s'exporte beaucoup moins bien. Attention, Pierre. Non, mais bon, voilà. Les jeux de mots, bon, voilà. On hein. s'accroche aux branches. On sort de notre coco. Donc oui, c'est un réalisateur qui veut faire un film sur sa grand-mère, résistante, et le tournage va extrêmement mal se passer, d'où fiasco. C'est une sorte de faux documentaire parce que alors ça reprend quelques codes, le code de l'interview, la caméra est toujours très mobile. C'est d'ailleurs Igor Gottesman qui joue le réalisateur de ce documentaire. Et effectivement, tout va très mal se passer. Ça va aller de mal en pis. Il y a un truc un peu Curb Your Enthusiasm où c'est toujours de pire en pire, quoi. Exactement. Voilà. Et pour cause aussi, déjà, ce mec n'a ni les compétences ni le charisme pour diriger un gros film avec des grosses stars, des grosses cascades. Et aussi, il y a en fait c'est vrai. Quelqu'un de l'intérieur de son équipe. Un corbeau, un maître chanteur qui fout le bordel et on va chercher pendant toute la saison aussi en plus de la comédie et tout, on va enquêter pour comprendre qui les empoisonne, qui les... Bah là ça marche pas, là ça marche pas parce que c'est vraiment... C'est le vrai COD là. Qui les empoisonne, qui les attache, effectivement, merci Adrien. Oui, il y a un petit côté enquête, effectivement, il y a un petit côté enquête, mais c'est vrai que tous les persos sont un peu flingués aussi, donc de toute façon, de base, le tournage se passe pas très bien. Ça prenait une mauvaise direction. Si vous aimez les séries, les séries sur les trucs qui vont de mal en pis, petite expression que je vous balance, oui, comme ça, bah, de les ceintures. C'est ça. Non mais voilà, c'est très marrant. On a dit tout le casting. Pascal Demelon est très drôle. Pascal Demelon est très drôle et touchant. Producteur ringard, ouais. Qui essaie de driver du mieux qu'il peut ce film. Mais gentil. Et touchant, gentil. Il fait, gentil, ce qu'il peut. Ouais, il fait vraiment ce qu'il peut parce qu'il y croit. Il y croit aussi quand même. Ouais ouais. Et aussi Pierre, tu es vraiment très marrant dans cette série. Mais au début, je me suis dit. Ah ouais putain, enfin je trouvais qu'on t'avait jamais vu trop jouer un perso comme ça. Mais ce que je trouve vachement bien, parce que souvent dans la comédie, tu sais, c'est un peu les archétypes sont mono, enfin tu vois, ils évoluent pas trop pendant la série, mais il y a une vraie évolution de ton personnage parce qu'en fait, il doit aussi un peu s'imposer. Et ça, j'ai trouvé ça très cool et ça ne ruine jamais la comédie. On se marre. Oh là, bravo. On se marre. Et je dis pas ça que c'est parce qu'il a mis ça en voie du sax dans la série. J'ai vraiment rigolé. J'ai trouvé ça très marrant. Non, tout le monde est très marrant et bravo. C'est très très chouette. Ah, merci. C'est très merci très chouette. Il y a vraiment un casting que de gens qu'on adore. Donc vraiment, ça fait. Là, c'est gentil ça. Ça fait bien bien plaisir. Pas moi, j'ai raté le casting. Alors. Ah, Pierre alors, est mal à l'aise. Petit jeu, Pierre est mal à l'aise. Il n'y a pas de problème. Non, je suis pas mal à l'aise en vrai. C'est Igor qui gérait donc. Wow. Je sais même pas si c'est arrivé. Je suis pas mal à l'aise. Je suis pas sûr que ce soit arrivé. Moi aussi, j'ai un petit jeu. J'ai passé un casting aussi. Non, mais c'est important de raconter que. Tu l'as eu. Les acteurs. J'ai pas du tout la gueule. Il y en a certains que j'ai pas eu aussi dans la vie. Non, mais bien sûr. C'est dire maintenant. Alors, j'ai tous les rôles que t'as pas eu. On va les lister. Les gros regrets. On fait les gros regrets. Je vais vous pitcher des tournages qui se sont très mal passés. Vous devez trouver de quel film il s'agit. Ah ouais, super. Ah, okay. Pas si mal. Voilà. Ouais, super, super. Ah ouais. Un peu dans l'idée, un peu dans le pitch, ouais, ça va. C'est génial, okay. Écoute, vas-y. Voilà. Et je commence très facile. Mais le truc, c'est que oui, voilà. Bah, c'est qu'on sait un peu ceux qui se sont très mal passés. Le premier est très facile. L'acteur principal. Tout ce qui brille. Ah, non. Wow. Ah non, c'est pas celui-là. C'est un peu nul comme blague. Oh, le boy. Face à la vexée. Oh non. Oh, oh non. Écoute, non, wow. Mais pas du tout, c'était une blague. Ah ok. Alors ça va, on peut y aller. Ah, okay, c'est bon. Elle a bien aimé. L'acteur principal a eu une hernie discale, tout d'abord. Oui, ouais. Ça j'ai. Alors, ah bon direct. Vas-y, dis. Il y en a plein. Hein, non, mais sinon, j'attends un peu que tu piges. Dis-le. C'est Don Quichotte, c'est Jean Rochefort. Ah, c'est exactement Jean Rochefort. Lost in La Mancha. Lost in La Mancha. Ouais, vous êtes inspiré de ces films-là un peu? Vous les avez regardés? Non, Lost in La Mancha, c'est le documentaire. C'est ça, c'est le documentaire. Et Fiasco, c'est un faux docu. C'est ça. Non, oui, on connaissait l'histoire. Et évidemment, Lost in La Mancha, c'était une grosse rêve pour nous de film raté. Mais je dirais, il y en a un autre, mais je vais pas le dire du coup. Je pense que c'est le deuxième. Dont on s'est inspiré maintenant, je pense que c'est le troisième. Ah ouais, genre, je devine ça. Ouais, oui, on parle d'un tournage qui s'est éternisé pour durer 238 jours. C'est ça. Ouais, bah je l'ai, mais. Allez, mais... vas-y. Mais je pense que c'est Apocalypse Now. Oh voilà, il est fort. Il est... Mais il a bossé. Vous êtes non, toujours pas celui-là. C'est pour ça que j'ai dit que ça doit être le troisième. Wow. Non, incroyable. J'ai fait un bah ouais, très aigu. Oui, bah c'était. Ouais, c'était. Je sais pas ce qui m'a pris. David, très aigu pour moi. C'était la blague de Pierre, sur David très aigu. Donc oui, le studio a annulé une première fois le tournage parce que Coppola voulait tourner au Vietnam et ça a été derrière annulé. Ah oui. Un changement de pays avec des catastrophes climatiques, parce qu'il y a eu des ouragans. Apocalypse Now. C'est ça. Ouais. Poil tard, mais. L'acteur principal a eu un infarctus Bah pas mal quand même. Combien de jours t'as dit? 238. Ah, c'est insensé. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Insensé. Ouais. C'est bon. Ça fait beaucoup de feuilles et de une service. Une star est arrivée sur le plateau, il n'en a fait qu'à sa tête. Il n'a pas perdu le poids qu'il devait perdre pour le rôle, à savoir Marlon Brando. Marlon Brando, bien sûr. Exactement. Monstre, une légende pour moi. Trois films. Vrai, trois, films vrai, trois films dans lesquels il a joué, s'il te plaît. Oui, oui. Trois films. Trois films. Apocalypse. Mets-le, ouais, mets-le, je t'en conjure. Le chien de New York. Oui. Et la film. Détente. Wow. Il les connaissait en fait. Voilà. Hein. Bah, les amis, il est pas connu. Il a pas dit le parrain. Dire les plus connus, c'est pas rien. Cinéphile que t'es, Pierre Tchernia. Donc, on parle d'acteurs insupportables. Tu l'as déjà raconté dans un autre podcast. J'ai dit, mais toi, t'as tourné avec un acteur pas très sympathique. Ouais, une ordure. On peut parler du truc. Et t'as raconté ça. Il a pas parlé de fiasco, t'inquiète. Ça s'appelle l'ex de ma vie. Ouais, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Ça s'appelle l'ex de ma vie. C'est une réalisatrice super qui s'appelle Dorothée Sebag. En plus, à qui il a pourri le tournage, à moi aussi. Enfin, et puis de toute façon, il a tout pourri en fait. On sait qui c'est. Il s'appelle Kim Rossi Stewart, c'est un acteur italien qui avait réalisé un film sublime qui s'appelait Libero, et qui était aussi acteur et qui est venu faire cette comédie romantique à Paris. Il n'était pas content que je sois sa partenaire. Déjà jour 1, je sentais bien que c'était il aurait préféré Bellucci, quoi. Donc du coup, c'était une galère jour 1, et puis tous les jours qu'il a pu, il nous a fait chier, quoi. Donc et exprès, pas juste. Non, exprès. Non, je te donne un exemple. On a une séquence de nuit à tourner où on doit manger des spaghettis. Il est 1h du matin quand on tourne. Les spaghettis sont apportés par le chef déco, enfin l'accessoiriste, pardon. Donc elles sont fumantes, etc. Et puis il va pour aller moteur. Attends, elles sont sans gluten, hein? Oh non. Ben non, tu nous as pas dit. Ah mais moi je mange pas. Je mange que sans gluten. Bah ouais, mais il fallait nous. Bah, vous les trouver. Et donc, à 1h du matin, ils ont dû trouver des spaghettis sans gluten. C'était ce gars-là, quoi. Ouais. Ça a été un petit enfer. Dans mon cœur, j'espère qu'ils lui ont ramené des spaghettis normales en disant c'est bon. C'est bon, farine de riz. Allez, ça part. J'ose espérer. J'ai même pas pensé, t'as raison. Non, c'était vraiment odieux. J'ai tout fait. Je lui ai dit que je l'aimais à la folie. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'ai tout fait pour pouvoir. Non, mais pour créer un truc. Pour créer un truc avec lui. T'as essayé un truc pro, juste le juste milieu. Le juste milieu, bonjour, ravi de travailler avec toi. Il y a juste un pervers narcissique. Je dis que je l'adorais, que je détestais. Je l'ai attendu en bas de chez lui, j'ai planté sa femme. Oh là là, ça me parle un peu beaucoup, non? Tellement je souffrais sur ce tournage, c'était un tournage en l'été, donc tous mes amis, ma famille, c'était en vacances et tout. Moi, je tourne à Paris. Ça, c'est les pires quand j'ai ça fait se passe venir pas ma psy sur le plateau en la faisant passer pour ma tante. Wow. Oh, parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis folle? Bah, moi là, et oui. La pardon. On a un bout de la réponse. Il y a une raison, mais. Je faisais toutes mes séances sur lui. Il était tellement odieux. Il parlait tellement mal à la réalisatrice. Il disait que c'était une merde. C'est le et tout, pitch et... du film Sibyl avec Adèle Exarchopoulos qui fait venir Virginie Efira. Non, qui fait venir sa psy Virginie Efira. C'est ça sur le plateau. Alors, c'était avant. C'est incroyable. Ouais, je l'ai fait venir et elle m'a dit. C'est incroyable. Vous êtes tout à fait normal. Ah oui, elle a dit c'est un fou et tout. Ouais, bien sûr. Okay. Elle est venue et elle a pris les recettes du gaz, qu'elle s'est dit oula, il y a gros client. Oh là là. Incroyable. Voilà, ce qui était difficile, c'est un an après la promotion, parce que tous les intervieweurs me disaient alors, tourner avec Kim Rossi Stewart, c'est incroyable. Et mes réponses, que j'ai vues des années plus tard. Moi, j'aurais fait. Je voulais pas faire de buzz ou de quoi que ce soit, je voulais pas en parler. Donc je disais juste ah ouais, il a des beaux yeux. Enfin, je disais que de la merde. Je disais que de la merde, je savais pas quoi dire. Il est italien. Ah, il est vraiment italien. Qu'est-ce qu'il est italien? Je savais pas quoi dire. En plus, pas tant que ça, il mange sans gluten. Là-bas, c'est. Là-bas, c'est péché. Nouveau film. L'acteur principal a été plongé dans un état d'hypothermie. Le tournage a dû être arrêté. Le tournage a dû être arrêté lors d'une cascade. L'acteur principal s'est disloqué l'épaule. Oh, wow. The Revenant. Pas The Revenant. Ah, mal. Lors d'une autre cascade, l'acteur principal qui devait être protégé. On parle du même gars là, bah, c'est toujours le même gars. Bah, enfin, c'est un corbeau lui. Bah, GG, je crois. Alors, vas-y. Tom Cruise? Pas Tom Cruise, qui devait être protégé par une. Alors, il devait avoir une protection en métal dans le dos, mais malheureusement, ça a glissé. Ça, c'est un Jackie Chan, ça. Et du coup, il s'est pris l'arme en question. Oh là là. En plein dans le dos. Je peux pas vous dire l'arme encore, sinon ça vous donne la réponse. Elle était Brevard. Brevard. Pas Brevard. Bah, c'est une épée, c'est un truc bizarre. C'est pas une épée. C'est un fouet. C'est Indiana Jones. C'est pas Indiana Jones. Bah, non, attends, alors, c'est fouet. C'est fouet. Ouais, oh. Non, la blague de Pierre, un peu moins bien, mais c'est la blague de Pierre. Et enfin, toujours le même acteur a été tout simplement frappé par la foudre. Mais enfin, laissez, lui, il faut que je. Alors attends, il a été frappé par un fouet et par la foudre. Mais frappé par la foudre, c'est une chance sur un million. Ouais. Pensez fouet. Un personnage. Ah ouais, il a joué un personnage célèbre. Bah oui, mais un fouet, j'avoue, pour moi, fouetter. C'est. Indiana Jones, ouais. Non, qui se faisait fouetter. C'est. 12 Years a Slave. Non, j'ai pas osé le. Kunta Kinte. Non, alors c'est pas un film sur l'esclavage, mais c'est un film sur un truc historique. Et il s'est fait frapper par la foudre. Bah ça la foudre ça, là ça nous donne aucune ouais c'est, ça nous donne aucune info la foudre. C'est un peu dingue, on dirait que il a enfin la rumeur autour de ça c'est que du coup Dieu se vengeait car c'est la passion du Christ. Et oui les coups de fouet. Et bah oui, et bah pas si con. L'exorciste. Frappé par la foudre. Pardon mais je vais faire Adrien Méniel parce que tu apparemment tu le fais pas. Frappé par la foudre, énorme coup de promo pour un mec qui joue Jésus dans un film, c'est vraiment un truc de communication de ricain. Mais c'est un peu... À mon avis, il a eu un coup de chaud à un moment, il a dit j'ai presque comme si j'avais été frappé par la foule. Le gars a entendu ça, il dit il a été frappé par la foule. Non, mais ça va, je vous dis, j'ai juste eu un coup de chaud, tu as été frappé par la foule. Allez, ça part sur Variety. C'est sûr. Mais c'était un peu, justement, sur les films d'horreur, je parlais, il y a L'Exorciste, il y a un peu ça, où il y a eu 9 morts sur le plateau, et du coup, tout de suite, ils disent ouais, c'est ça. Et c'est vrai, ça, ou vrai. Bah, il y a. Même après, il y a un technicien. Même les 9 morts, je moi, pense. Moi, j'ai l'impression que 99% des anecdotes de ciné sont fausses. Moi, j'ai jamais menti. Bah, on part en France parce que. Non, plutôt aux États-Unis. Elles sont pas folles non plus, tes anecdotes. Ah, il y a quand même la carriole. La cache n'a jamais tourné, c'est italien. Les acteurs américains qui racontent des trucs. C'est un hologramme. Mais je suis d'accord que j'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes sur les ricains. Pas toi, ton anecdote, j'y crois. Ton anecdote, j'y crois. C'est 100% vrai. Tu crois que vraiment ils fabriquent des trucs quoi. Non, mais moi, il y a beaucoup de trucs. Ils en font des caisses. Dans les talk shows, ils racontent des trucs. Ouais. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et il me dit machin et tout. Tu fais oui, d'accord. Autant. Non, mais c'est aussi un peu les trucs où. C'est un peu mignon, parfait, exactement la bonne anecdote. Non, la foudre sur Jésus, ça me paraît. C'est vrai. Quand tu le dis comme ça, c'est vrai. Ça paraît fou. Un tournage qui a duré 160 jours est allé sur 8 mois. Tout d'abord, l'équipe a subi une intoxication au PCP, ce qui est drôle parce qu'il y a un peu un truc similaire dans Fiasco. Complètement. Là, pour le coup, c'est une drogue hallucinogène placée dans la nourriture par un technicien mécontent. Bilan, c'est pas vrai. En vrai, c'est dur. Ouais, c'est. Bilan, 50 personnes hospitalisées. Le réalisateur était tyrannique, si tyrannique que les cascadeurs se sont mis en grève. Star Wars. Non, les acteurs et les figurants ont dû suivre des cours tenus par Lynn Hockney, aussi chorégraphique, pour apprendre à se comporter comme à l'époque du film, c'est-à-dire que le réalisateur passait en boucle la cassette de Comment se tenir Braveheart. En 1910. Je vous donne l'année, ça vous donne un indice. Ça ne m'aidera pas du tout, pour que les acteurs puissent vraiment vivre exactement comme à l'époque. C'est 1910. Ce même réalisateur n'a pas pris en compte le froid des acteurs. Par exemple, l'actrice principale a attrapé Dracula. Une pneumonie. Dunkerque. Pas Dunkerque, mais on se rapproche. C'est 1913. C'est récent comme Dunkerque, un peu genre. Non, dans c'est les... plus vieux. Okay. Plus vieux. Fin 90. Allez. Fin 90. Que je vous donne comme ça. Le film. Le film, mais qui se passe en 1910. Ouais, c'est ça. 1912. Et ça se passe aux États-Unis. Le film. Oui. En direction des États-Unis. En direction. Ouais. C'est dans un avion. C'est dans un avion. C'est pas. Il y a pas d'avion. Il y a pas de train. Il y a pas d'avion. Calèche. Titanic. C'est Titanic. Ah bien joué, bien sûr. C'est fou. C'est Titanic, tout simplement. Sachant que James Cameron, il y a une super expo que je vous invite à voir à la Cinémathèque en ce moment où il y a tous ses dessins. Ouais. Ça a l'air. C'est fou. D'ailleurs, lui, pour le coup, il dessine très bien. Quoi. C'est incroyable. Mais justement, tu parles de des fois les Américains, c'est un peu stylé exprès. Ouais. T'as des dessins de quand il a 6 ans, tu fais, c'est les mêmes que quand t'as 34. Ouais. Moi, je veux bien que tu sois un génie, mais c'est assez incroyable. Ouais. Mais il est très très fort et effectivement, il est connu pour être un réalisateur dur. Voilà. Il y avait. Sur le tournage de Terminator 2, à la fin du tournage, ils ont offert à toute l'équipe des tournages des t-shirts. J'ai survécu. Ouais, je suis un des meilleurs techniciens d'Hollywood. J'ai survécu à Terminator 2. Ouais. Il me semble que même il y avait eu. On va avoir le temps de faire ton jeu, Pierre. Moi, c'est ça qui. On va avoir le temps. Je pense qu'on va avoir le temps. Et attends, je vais ajouter un truc. Oui, je crois qu'il y avait même une vanne sur le fait qu'il était difficile. Il me semble que Catherine Bigelow était avec James Cameron à un moment. Ouais. Et il y avait une vanne aux Oscars, soit de Ricky Gervais, soit d'un autre présentateur. C'est Tina Fey et. Voilà, Tina Fey, t'as raison. Merde, la Elle avait dit, je sais plus quoi, genre un truc genre, c'est pour Catherine Bigelow, être une femme dans l'industrie, c'est déjà tellement dur, mais non, pas ça, c'était pas ça. Elle a dit, elle a fait un film, ouais. Si vous étiez avec toi. Catherine Bigelow a dit, non. Taina. Tu peux plus rien faire. Allez, c'est Taina Fey a dit. Attention, c'est monté. Tu commences. Une femme qui a fait un film sur la torture. Adrien. Attendez, c'est monté. C'est monté. Une femme qui a fait un film sur le terrorisme et la torture des terroristes, ça devait être très compliqué. En même temps, pendant des années, elle s'y connaît puisque pendant des années, elle a été avec James Cameron. Ouais, voilà, c'était ça. Elle n'avait pas dit deux fois terroriste. Non, je pense qu'elle avait un prompteur. Attends, elle avait un prompteur. Elle l'avait écrit, c'est pas pareil. Donc c'est voilà à ce point-là. J'étais persuadé que tu parlerais de Babylone AD, qui est le film de Mathieu Kassovitz. Ouais, je vois très bien. C'est où avec monsieur, Vin Diesel. Vin Diesel. Ah, tu penses à Vin Diesel. Oui, Vin Diesel qui apparemment était imbuvable. Ouais. Ouais. Bah oui. Et ils ont aussi tout fait exploser sans filmer. Ils ont lancé toutes les explosions qui ont plein coûté, de je sais pas combien de dollars. Et ça t'a inspiré aussi ce truc-là. Donc c'était celui-là qui nous a le plus inspiré. Ah oui, bien sûr. Là, pour le coup, il y a un documentaire aussi. Et ce qui est pas mal dans ce documentaire, c'est qu'il ne met pas Kassovitz en unique victime. Il y a des trucs où c'est lui qui merde, quoi. Enfin, oui. Mais ça, c'est complètement. Et qu'il ait accepté que ça sorte et tout. Ouais. Chapeau. C'est fou, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est lui qui donne pas les bonnes instructions. Hein, et enfin, tu vois des trucs. Oui, où mais tu sens qu'il y a vraiment des problèmes de tous les côtés, quoi. Mais c'est pas en couille. Quel était ton jeu? Mon jeu, je vais essayer, parce que j'ai eu l'idée, j'avoue, un peu sur le chemin en venant. J'en ai un autre derrière très rapide. Oh là là là. Alors, Géraldine m'a dit, je suis folle de jeu. Donc vraiment. Mon anime. Et moi j'adore les jeux. Allez, c'est mon Adrien c'est vrai, qui c'est vrai. Je vais essayer de le faire. Okay. C'est un jeu auquel je pense depuis longtemps. Je vais même vous dire, je voulais le proposer à Alain Chabat pour Burger Quiz. Parce que je pensais qu'il pourrait bien marcher. Je vous avoue que je l'ai pas. Attends, tu l'as inventé, Pierre? Oui. D'accord. Non, mais c'est juste un petit quiz. C'est pas, un jeu avec des règles. Tu vas pas lancer des dés. Je vous donne des pitchs de films avec Pierre Ninet. Il faut trouver. Et vous me dites lequel est mieux. C'est dur, c'est dur. Et Dieu sait que c'est dur. Il faut trouver sur quelle plateforme c'est dispo. Alors, le plus vite possible. Le premier qui est hilarant. Et dès qu'on n'ose pas dire, bah c'est de la merde. Quand on joue et tout. Vous jouez, tout le monde joue. Ah, pas Netflix. Deux, Adrien, vas-y. Alors, un indice. T'es là. Personne sait. Il y en a pas mal, des films. Je vous donne des noms de médicaments et vous devez me dire s'ils sont vrais super, ou si je l'ai inventé. J'adore. C'est un peu un sketch de Gad Elmaleh, ça, non? Aïe, aïe, non, aïe, aïe, aïe. Bah, déjà, bat ta foot. Non, parce que non, je veux dire, si vous avez fait un sketch sur le nom des médicaments. Tu confonds avec le blond, ouais. Tu confonds avec le blond, c'est juste le blond. Bah, je comprends pas. C'est juste... Alors attends, tu nous donnes. C'est juste le blond. On avait joué avec ça, avec des villes qui étaient exceptionnelles. Oui, sur Fiasco, on jouait. Je prenais des régions, je zoomais à fond et puis j'inventais une ville et j'en donnais 4 vraies. Ah, et c'est voilà. Génial. Pas mal. Là, et là, j'ai pensé à ça parce qu'il y a un nom de médicament qui m'éclate depuis toujours. Qui est donc vrai? Oui, qui est vrai. Et que je vais cacher dans les. Oh, coquin. Attends, il faut juste que je décide. Est-ce que je mets 4 vraies infos? Oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bah oui. Faut trouver quel est le faux. Ou 4 faux, un vrai. Mais non, 4 vraies infos. Ok. Mais t'en as autant de vrais? T'en as autant que de vrais? J'ai 3 fois rien. Il y a une question. Bah, fais l'inverse du coup, peut-être. Bah, fais l'inverse alors, oui, il a raison. Pareil. Trois fois rien. Je l'ai pas préparé. Hein. Non, mais. Bah, en même temps, t'es venu en promo, t'es pas venu bosser. Bah, non, non. À la cool, hein. Alors, c'est parti, ok. On doit trouver info. Je sais pas. Oh, arrête, Pierre. Ok, ok. Vous devez trouver info. Un seul faux. Info. Mais peut-être si t'en as que 3 du coup, si t'en as pas, pas beaucoup. Et c'est une bonne remarque. En fait, il y a un jeu dans le jeu, faut l'aider. Ouais, exactement. Faire le jeu. C'est collaboratif. Et je peux me permettre, t'as bien fait de pas le proposer à Alain Chabat. Et voilà. T'es commencé par nous. Vraiment, l'appel. Alors, je t'en dire. Ah ouais, pardon, je sais que t'es occupé, mais. T'en as vraiment des trucs? Non. Tu refais pas de burger, mais pas grave, je te le donne quand même. C'est parti, je vous en donne 3. Vas-y. Il y en a 2 vraies infos. Ok. Il faut qu'on dise le. Oui, d'accord. Oui, lesquelles sont vraies, lesquelles sont faux. Le faux. On dit le faux. Je vais dire le faux. Ex-lax. Premier médicament, Ex-lax. Ouais. Ouais. Okay. Deuxième médicament. Ah mais il y a la tête, vous voyez pas là. Non mais la ça tête va. Qui joue. Ouais, ça va. Ça va. Deuxième médicament. Allez. Extranase. Troisième médicament. Prévacide. Ouais. Alors extranase. Lequel est faux? Extranase existe. Extranase est vrai. Ouais, extranase existe. Je dirais... Et donc t'as Ex-lax. C'est celui-là qui t'éclate, c'est extranase. Oui. Franchement, il est nul. Il est nul. Bah déjà, on a vraiment. Il est nul. Je vais là. Le cacher c'est dans le jeu. Vrai. C'est vraiment première coup, question. Tout le monde a pris dans sa vie l'extranase en plus. C'est celui-là qui t'éclate. Mais j'avais honte. Oui. J'ai chuchoté. Il a caché. Ne vous inquiétez pas. Je vais le cacher dans le jeu. Première question. Extranase. Doliprane, c'est la même chose. C'est fou ce nom. Non, pardon. Extranase. Bon, vas-y, je trouve le faux. Allez. Voilà, attends. Ex-lax et critiqué. Ex-lax, c'est le dernier, c'est. Ex-lax, c'est quoi l'autre? Non, mais normalement, j'ai pas le droit de répéter. Hein. Ah bon? Ah bon? Ah, enfin, c'est une nouvelle règle. Nouvelle règle. C'est une règle folle, ça, par contre. Moi, je dirais la fausse, c'est la première. Dernière qui veut pas répéter. Moi, je dirais la première. Non, moi, je dis que le faux, c'est ex-lax. Ouais, ex-lax, moi, je dirais. Ah, le premier. Donc, toi, tu dirais la troisième. Donc, Géraldine, elle est pas d'accord avec nous. J'ai raté le jeu. T'as dit deux vrais? J'ai dit que des vrais. Mais non, c'est incroyable. C'est, vrai. C'est incroyable. Pour le coup. Je te jure. C'est incroyable que t'aies autant de succès dans ta carrière. Là, alors que là, c'est vraiment. Mais c'est fou, tout, il sait tout faire. Le mec sait vraiment... tout faire. Chanter, jouer la comédie, danser, faire de l'apnée. Tu nous fais chier à savoir tout faire. Et ça, c'est de la chienne. Pendant tout l'épisode, il y a des gens qui t'ont encensé. Mais oui, et au final. Non, mais surtout, ça fait une heure qu'on attend son jeu. On a trouvé. C'est incroyable, on a trouvé le point faible de Pierre Ninet. Non, mais attendez. Après, c'est eux, ils proposent des jeux, moi. C'est gentil. À sa décharge, les règles sont hyper compliquées. Pas du tout. Pas du tout. Très très simple. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous êtes prêts? Attends, quoi? Lequel est vrai, lequel est pas vrai? C'est parti, vous êtes prêts? Ouais. Flomax, Ostéoflex, Prilosec. Ostéoflex et faux. Mais en vrai, les mots sont bien quand même. Alors, Adrien dit que Ostéoflex est faux. Il y a aussi Flomax et Prilosec. Prilosec. Prilosec est faux pour Géraldine. Moi, j'étais sur Ostéomax. Ostéoflex. Ostéoflex. Eh bien, le faux, c'est Ostéoflex. Allez, bravo. Qui est aussi ton nom de rappeur. Vous voulez un dernier? Allez, bah, dernier. Ce serait trop con de partir là-dessus. Ouais, ce serait dommage, puisque là, on s'éclate en plus. Bah, toi, non, mais vous vous amusez. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime et pas. Chez vous, attends, laisse-moi faire le blanc. Et chez vous, vous vous éclatez, là, putain, mais ça va, y'a pas de honte. Est-ce c'est que gratuit, les podcasts. Mais c'est gratuit. On pourrait pas dire que la première question, c'était. Un fiasco. Fiasco. Runaway to the drop and ramp. Non, non. Non. C'est dommage. Allez, un dernier. Mucinex. Aïe, aïe, aïe, ça me tue. Comment tu les lis? Non, mais t'aimes bien. Au fond, t'aimes. Ouais, mais t'aimes bien au fond. Mucinex. Oui. Zantax. Oui. Rénaline. Ouais. Ah, Rénaline existe pour moi. Ouais, je comprends que Zantax, on a envie qu'il existe. Non, non. C'est la fin. Moi, d'un, je dis Rénaline. Non, non. Ouais, Zantax, on dirait un méchant dans Star Trek. Un ouais, peu. C'est la fin ouais. d'un. C'est un Xizantax ou un truc comme ça. Donc pour moi, Zantax n'existe pas. Moi, je dis Rénaline n'existe pas. Oh, alors ça sonne un vrai. Et là, ouais, c'est ouais, là ton petit. Justement. Ok, Zantax aussi, moi. Moi, je dirais Zantax. Vas-y. Eh bien, le faux était Rénaline. Ah, bien joué. Adrien, t'es vraiment le meilleur. Bravo, Adrien. Il y a la Ritaline. Ouais, ouais. Il y a des trucs comme ça, mais. On va arrêter, je et pense Zantac ouais. Ah c'est vas-y, dommage vas-y. Parce que il y en a encore 8. Je rentrais dans un autre jeu. J'allais vous dire qu'est-ce que c'est ce médicament? Il sert alors, à quoi, alors, quoi Michel Simès. C'est quoi, c'est Zantac ou Zantax? Oh, le Zantac, ça sert à quoi? C'est un truc non, pour les allergies. Non. C'est un oxygène de fou. Oui. Ah, qu'est-ce c'est un des jeux les plus cafards. Ah, ouais. C'est pour le mal de dos, toutes les douleurs. Non, Zantac. Tu peux trouver. Les acidités d'estomac. Oui, allez. Exactement. Oh, wow. C'est exactement ça. Bah ouais. Il bah a la main sur le clavier. Il a la main sur le clavier. T'as triché ou non, il a pas triché. Je suis sur le. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais je me permets. S'il vous plaît. Bon, écoutez, le jeu était pas ouf, mais c'était sympa d'essayer. Pas si mal, pas si mal. Non, non, vraiment. Non, mais moi, je trouve que c'est l'arrogance avec laquelle t'as dit j'ai un jeu, j'arrive pendant une heure, machin, et dire après tous ces jeux qu'on a fait. Attends, les gars. J'ai quand même un jeu, faut aller vite et tout. Après, dès que ça s'est approché du moment, j'ai quand même dit. Alors, je l'ai fait sur la moto en arrivant. J'ai quand même commencé à poser vrai, des. Vrai, ouais. C'était dropping le mot. Ça fait baisser les attentes. C'est dropping. Avec toi, Pierre. Merci. C'était dropping et pas bombing. Oui, le jeu, il était bien le jeu, on a deviné bombing. Ouais. C'est chouette. J'étais de ton côté. Pardon, Pierre, ouais, je suis venu t'enfoncer. C'est dommage, c'est une crime connivence. C'est dommage. J'ai un jeu que Pierre, tu as déjà fait. Oh, bah bien sûr. Le imite ta réponse. Évidemment, c'est je quoi, savais qu'il allait. Ah, Géraldine. Eh oui, si, le si, jeu si. Du imite ta réponse est très simple. Mm-hmm. Je vais poser des questions extrêmement simples sur des gens à deviner, mais il faut répondre en imitant la personne à deviner. Un exemple, il a été le président de la République qui a dit manger des pommes. C'est Jacques Chirac. Mais il faut dire le nom. Il faut dire la réponse. C'est Jacques Chirac. Jacques Chirac. D'accord. Le but de ce jeu, outre. En gros, la réponse, c'est toujours une personne. Oh, mais ça va être affreux. Alors, c'est oui, ça. C'est ce qui ça, est le... génial qui est avec ce jeu, c'est que normalement, le cerveau va plus vite parce que attendez. La réponse est évidente. Ouais, d'accord. Donc, j'aimerais que ce soit pas. Filmé pour qu'on voit à quel point elle déteste. Elle peut adorer. Elle peut adorer. Elle fait Céline Dion. Elle va être super, ouais. Géraldine. Elle imite très bien plein de trucs. Mais oui, mais en plus, il bosse. Moi, j'ai bossé. Il bosse. Il va te faire que des trucs que tu sais bien imiter. Arrêtez. On a bossé les jeux. Arrêtez. Il y a un peu d'imitation plus dans Fiasco. Mais lui, il fait des imitations dans Fiasco qui valent de l'or. Qui m'ont tué. Mais qui sont mauvaises. Qui sont très mauvaises. Elles peuvent arriver dans le jeu. J'ai travaillé. Mais oui, mais évidemment, il vous met bien quand même. Nous met bien. Des stars du cinéma. On fait votre promo, vous voyez bien que j'essaye un petit peu de percer dans le cinéma. Arrêtez vos simagrées, on fait votre promo. Attention, il a joué dans Opération Cornet Beef et Les Visiteurs. C'est Christian Clavier. J'ai refait les. J'ai fait les doigts de Krakak, mais je voulais dire c'est ok. Avec les doigts de la de Jacques Chirac. Je sais pas pourquoi avec les doigts de Jacques Chirac. Mais parce que ça donne un. Ça va hyper vite, ça se bouscule en fait. En fait, c'est ça qui est bien avec ce jeu. Super. C'est ça qui est bien. T'as pas le temps de bien limiter, du coup c'est ça qui est un peu régal. Redis-nous ce que t'as fait, Adrien. Oh, c'est Christian Clavier. Waouh, c'est super. Mais c'est vrai, je trouve ça super en vrai. Si. Bah. Non, attends, Pierre. On a un peu chié sur les médocs. Ouais, on a fait un jeu de merde sur les médocs. Non, j'allais dire. C'est pas fou, mais par rapport au jeu de Pierre, c'était quand même extraordinaire. Non, c'est pas ça. Non, Pierre, le jeu des médocs était pas si mal. Plus mal que ce que je pensais. Toute cette séquence. Moi, ce qui me tue, c'est que t'as envisagé de le proposer à Shabba. Ça me tue. C'est dingue. Allô. Ouais. L'ego de Pierre. C'est fou. Ah, c'est bien. Et donc le médicament, bah mais, non mais ça faisait faut, quoi. Ça faisait un peu Burger Quiz. Oui, c'est vrai. Il aurait fallu plus travailler pour en inventer des ressemblants, des plus drôles, c'est, des oui. C'est alors des jeux de mots possibles. Oui, c'est là non, où t'as. Là c'est vraiment. Non, les médicaments, c'est pas si anxiogène que ça. Au contraire, il doit avoir un rapport à la mort terrible. Non mais Pierre, t'as mis le doigt. Il a mis le doigt sur. T'as mis le doigt sur le truc. Des plus drôles. Parce que si c'est juste des. Le même jeu en vraiment beaucoup plus drôle. Était super. Non mais si c'était genre extra naze. Bon écoutez, super pourri machin, tu vois, on va coup, pas c'est marrant. C'est comment tu dis le deuxième super pourrax, ça aurait été marrant. Non mais si les noms sont oui, je l'ai fait sur la moto en arrivant. Écoutez, je pensais qu'on passerait un bon moment. Moi je trouvais que on avait un peu cicatrisé sur le jeu de Pierre, je pense que voilà, avant faut pas. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Alors, moi en ce qui me concerne, le trou de la graffeuse n'a pas cicatrisé, donc si je peux me permettre d'en mettre une couche sur le jeu. Bah, sachant que j'ai pas mal. Franchement, c'est de bonne guerre. Bah, sachant que j'ai bien pris certains trucs que tu m'as dit après, tu vois, pour équilibrer un peu. Mais ça reste un peu. Ça reste une je comprends. Plaie. Dessus, je mets quoi ? Du cicatril ? Du cicamril ? Ou du cicatron ? Tu vois, ça passe bien quand tu le mets en Faut que je le mette dans les conversations. En fait, c'est plus naturel. Ouais, c'est vrai. Attention, elle a joué dans Opération Cornet de Bif et les visiteurs. Pas la remercier. Oui, pas mal. Très bien fait. Pas mal. Oui, très bien. Et donc il y a ce truc de cerveau qu'on a. T'as refait. J'ai refait les doigts. Non, je te crois pas. C'est vrai. Je les ai fait. Tu les avais en crochu comme ça. T'as fait. Il y avait un membre fantôme quoi. Parce que le limite ta réponse, c'est un jeu qu'on a breveté. Enfin voilà, on a bossé avec le CNRS, on a bossé avec la NASA, tout ça. Mais le truc de faire la réplique connue avant de dire le nom, c'est un vrai truc que font les gens. Pourquoi c'est quoi? Parce que ça te donne la voix, tu vois. Tu dis ah c'est ok, Christian Clavier, tu vois. T'as été obligé de dire Pancho, tu vois. Attention, il joue dans Intouchables et les petits mouchoirs. Oh, c'est François Cluzet. Ah pardon. C'est l'acteur connu qui joue. Pas du tout. Pardon, un point moi pour je suis Adrien, juste le mec. Oui. Un point pour Adrien. Et j'ai des ânes. Non, un point pour Adrien. Mais tu sais faire François Cluzet. Je le fais dans la série, mais c'est à force de. Tu te rappelles? C'était pendant des heures. On a fait des impros horribles. Et donc si je le fais là, je vais le faire mal. Ça donnera un petit avant-goût pour la François Cluzet. Putain. C'est super. Il y a de ça. Moi, je ne fais que des imitations que je ne sais pas très bien faire. C'est ça qui m'amuse. Personne ne sait très bien faire une imitation, c'est bien. On rappelle celle que tu maîtrises et malheureusement. Que je maîtrisais. Malheureusement, qu'on a parmi l'âge de rassure, Pierre. Hein, non, écoute. Attention, il était le président qui a dit casse-toi, pauvre con. C'est Nicolas Sarkozy. C'est une indignité. Ouais, super, c'est de l'épaule. C'est cata ce que je fais. Hein. C'est de l'épaule. C'est une indignité sur le service public. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? C'est Vincent Lindon. Mais oui. C'est fou. Fais voir, toi, Adrien. Non, je suis fais voir. C'est tout Jacques Chirac, tout le monde. C'était très proche. Allez, vas-y. Non, attends. Oui, mais attends, pourquoi on fait Jacques Chirac? Eh ben, c'est Nicolas Sarkozy. Ah oui. Je vais vous dire, Madame Lucet. Oui, super. Vous êtes venu me voir et moi je vais vous dire aujourd'hui. Ça devient un peu un cadavre. Dans le blanc des yeux. Ah ouais, c'est un peu Patrick Timsit. Je vais vous dire, le moustique il te pique pas, il t'emballe. Ah, super. Oh, alors là, il y en a un autre jeu, morphing de l'imitation. Ah oui. C'est beau. Oui. Tu dois partir d'un gars, aller à un autre gars. Faire une phrase et à la fin, c'est un autre. Très bon jeu, ça aussi. Allez, on enchaîne après avec ça. Tu nous le bosses en deux minutes. Ouais, ça marche. Vous inquiétez pas, le jeu je l'ai en tête là. Donc. On note des noms, on les marque sur un papier, on en pioche deux et il faut morpher. J'aime bien. Et vous devez deviner de qui à qui on morphe. Oh, c'est incroyable comme jeu. Ou mélanger deux personnes directement. Ouais. Allez. Si. C'est bon. Mais si. Ah, le propose à Shabba. Je pense qu'on est mûr pour le proposer à Shabba en tout cas. Ok. Elle joue dans Les Promesses de l'Aube et Noulet le Roi, toujours au cinéma. Ah ouais, c'est Charlotte Gainsbourg. Ah, mignonne, la mais moi, je suis pas contente. Ah, ah non, là, c'est Daron, là. Pas qu'elle est temps. Non, Charlotte Gainsbourg, c'est ça, mais c'est dur d'imiter Charlotte. C'est dur. Bah, plutôt toi, non Oui, c'est Charlotte Gainsbourg. Ouais, c'est ça. Je suis sûr, quoi. C'est Florent, parce que tu l'as eu deux mois sur le plateau. Oui, oui, bah oui, mais non. Ah non, je peux essayer. Vas-y. Je sais. Attends. Ouais. Je sais pas si je sais faire rire. Ah, je vois. Oh, ça mais, c'est, ça mais fait je mal. Vois, c'est adorable, mais c'est je vraiment vois. Horrible en même temps. C'est terrible. Ouais, je vois, ah, je vois. Vas-y, je sais pas si je saurais faire rire. Fanny Ardant. Charlotte, c'est plus facile son rap. Le plus simple. C'est Fanny Ardant. Ah oui, c'est Fanny Ardant. Bien, allez, crée-moi la Garonne. Je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'il y a. C'est une vraie anecdote, indiquez-moi la Garonne. Je t'avais raconté de rien. C'est incroyable. Non, c'était Fanny Ardant qui. Fanny Ardant qui tournait avec François Civil il y a longtemps, je pense que c'était un téléfilm ou je sais pas quoi. Bretel. Et voilà, Bretel, pardon, avec Bretel. Et elle, à la fin d'un tournage, elle s'était barrée, il l'avait rattrapée, genre elle était avec son sac, encore des affaires de mais tournage et tout. Mais pendant la nuit, genre. Ouais, genre la nuit. Et ils étaient où? C'est où la Garonne? Oh là là. Oui. Bordeaux. Lyon. Non, la Garonne. Oh, ouais, grave, plutôt totalement. Allez, Bordeaux. Donc ils étaient à Bordeaux. Et elle est partie en pleine nuit, un peu genre avant tout le monde et tout. Elle se barrait un peu du truc. Et ils lui ont dit, ça va, vous voulez pas quand même. Elles l'ont rattrapée, quoi. Vous voulez pas qu'on vous ramène? L'hôtel, il est loin. Non, ça ira. Indiquez-moi simplement la Garonne. Exceptionnel. Ouais. Elle est partie sur cette phrase. Très bon. Mais qu'une expression. Et du coup, depuis, oui. Depuis là-bas, oui. Indiquez-moi la Garonne. Ça veut dire, va te faire foutre, attention. Ok, c'est la femme d'Homer Simpson. Oh, c'est Marge. C'est Marge. C'est Marge. Oh, l'enfer. Elle est agréable, cette imitation, je trouve. Elle fait du bien. Attends, fait moi, bien je sais faire le son cum. Ah, Homer Simpson. Ouh, elle de tête le frobouet. C'est vraiment moi quand je fais Orelsan, c'est-à-dire c'est ce niveau de caricatural. C'est atroce. Horrible. Mais, j'étais sûr. Upinaise. Ah, c'est bien, oui. Mieux. Upinaise. Peut-être un petit dialogue. Un petit dialogue entre Marge et Homer. Fermez les yeux, vous êtes dans les Simpsons. Ah non, non, tu fais Marge. Non, tu fais Marge. Ah bah non, sûr. Bah, c'est dommage. Que ce soit. Vas-y, alors je fais Marge. Bien, salut Homer. Ouh, t'es dans Fiasco aussi. Ah, oh, ça me cringe. C'est vraiment. Excusez-moi, pardon. J'ai eu le fameux Michael de Netflix. Il regrette tout. Il aurait tout refait la série d'avoir mis un billet sur vous. Il dit waouh. Moi, je sais juste faire le grand-père bien. Ah oui, oui. Eh ben, dis donc, on m'avait dit que mon petit-fils m'emmènerait faire du skateboard. Ah oui, tu le fais bien. Ouais, non, si tu le fais très bien. Ouais, très bien, très bien. Ok. Il joue Marc dans La Flamme. Ah ouais, frère, j'attends quand même, frère. Waouh, c'est nul. Oui, c'est nul. C'est impossible à faire. Ah, frère, c'est. Le gars, il me dit. Je fais Manu Payet, Mais souvent, ça fait. Le gars me dit que c'est, le gars. Il me dit que c'est Manu Payet, le gars. Je regarde, le Manos. Il me dit, c'est le gars. Je suis à la radio, je me dis, putain, c'est le gars. Chaque fois que tu fais une imitation pas bien, t'en cales une que tu fais très bien. Je sauve les meubles le plus possible pour que les gens disent. C'est soit ça, soit dire, j'ai deux ânes. Ouais, exactement. L'un ou l'autre. Non mais tu peux essayer, Jonathan, tu t'as pas essayé. Bah Jonathan, j'ai essayé là. Non, mais c'est... Vas-y, Adrien, essaye toi. Mais non mais c'est tout le monde fait pas. Et non, dire c'est frère. Non, il y a un gars qui limite. Ah si, mieux déjà. Ah c'est pas mal. Mieux, Adrien. Ouais. Et truc, il a un truc comme ça. Truc, le mec. Le gars. C'est une cata, frère. C'est une cata. Ouais. On est retombé. Le souffle est retombé. Il y a eu un moment de grâce. Mais moi j'ai toujours dit que je le faisais pas. Non, t'as dit, tu m'as dit avant l'émission, tu m'as dit, regarde, tu vas voir ce que j'en vois. Je vais essayer de caler. Non, c'est très dur. Il y a un gars qui limite excessivement bien sur les réseaux. Et genre, il se réveille, le matin j'ai la voix de Jonathan Cohen. Et je l'ai envoyé à Joe. Moi je peux croire que c'est Joe, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment sa voix. Mais tu sais, avec les IA là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Un petit débat de 30 minutes qui arrive sur les IA. Trop j'espère bien. Que vous êtes chaud. Ah bah évidemment, la crypto-monnaie aussi. Attention, elle a joué dans Les Bronzés, mais pas dans les Debugs selon elle. Mais je connais pas là. Je suis Josiane Balasko. J'ai pas fait, moi, je connais pas. Mais si, les Debugs. Je sais pas qui c'est. Qui c'est. Ah bon. J'ai pas fait, moi, ça. Mais ils l'ont dessiné sur vous. Je connais pas le lady. Bah, le personnage s'appelle Josiane. C'est vous, c'est vraiment vous, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est son sosie en dessin animé. Mais voyez bien que c'est pas moi. Denis. Ah, j'adore cette histoire. Ok. C'est extraordinaire. Attention. C'est un humoriste blond et son spectacle s'appelle Zèbre. C'est Paul Mirabel. Oh super. Bah, non, c'est Étienne Nao. Attends, non, c'est qui? Étienne Nao, c'est un autre gars encore. Attends. C'est William Scheller même. Ouais, non, vas-y, refais. C'est Paul Mirabel. Ah oui, mieux, ouais, il nous a mis l'intonation. Il a chopé avec l'aiguille à la fin. Oui, bah oui. Oui. C'est des pas bois qui fait les pâtes, c'est Babeuf qui fait les pâtes. Mais pourquoi tout le monde est enrhumé quand il imite? Alors moi, c'est je les ai travaillés en hiver, toutes les imitations. Donc je suis resté sur ce créneau-là. Je t'avoue que maintenant, c'est un peu mon repère. Orelsan et Paul Mirabel sont vraiment très pris, quoi. Mais c'est bien, tu l'as bien fait, je trouve, Adrien. Wow, ouais, si, ouais. Si. Mais moi, je suis à 10 sur 20 à chaque fois. Enfin, bah, non. Non, Jonathan Cohen, j'étais à 4. C'est bien que tu le vois. J'étais à 4. C'est bien qu'on ait pas besoin de le dire. Oui. Et Sarkozy, même bien en dessous encore. Sarkozy et Orelsan mélangés. Attention. Allez. Attends, faut. Attends. Sarkozy. C'est marrant. Oh, il se le fait un peu dans sa tête. Il construit. Ouais, là, c'est marrant. Oh, pas mal. Ouais, c'est précis en tout cas. C'est marrant, pas la blustin. Oh, il a enrhumé encore. Il a repris, ouais. Un petit stérémar. Mais c'est vrai. Un petit stérémar. C'est pour ça le jeu des médocs. Ouais. Tout est lié, en fait. T'as vraiment une obsession pour le monde médical, en fait. Très dur. Il fait que des imitations, mais avec une petite maladie. Jonathan Cohen avec un ongle incarné incroyable. Il a joué dans Yannick et Chien de la casse. Et après, dans votre histoire, là. Oh là là. C'est super. En plus, il y a comme un couac dans votre histoire, là. Mais oh là, je suis mauvais, Raphaël Quenard. Ouais, il y a un. Putain, je l'avais à une époque, mais alors. Moi, j'imite Adrien qui l'imite dans le Floodcast, c'est catastrophique. Et il y a un pépin dans votre truc, là. C'est. Je l'ai jamais fait dans le Floodcast. Ah bon? Tu l'as fait dans le Floodcast? Si, tu dis, il y a un pépin. Tu dis, il y a un pépin dans votre histoire. Dans non, un Floodcast sur deux. Yannick, c'est dans le film Yannick. Ah ouais? Ouais, je te jure. Si, je suis sûr que t'as fait ça dans le Floodcast. Il y a un pépin dans votre histoire, si. Tu l'as fait au basket? Non, je te jure, Floodcast. Ouais, peut-être. Alors vas-y, essaie, vas-y. Non, mais je sais plus. Je le faisais à une époque. Non, mais en plus, le problème, c'est que ça va être Bourvil. Je le sais. En fait, c'est la maladie. On parlait des mix. Chacun sa maladie. Ouais, ils sont tous enrhumés. Il y a une attente, c'était terrible. J'ai été obligé de le faire. On est déjà sur Feynman. Vas-y. C'est bon. Attends. C'est horrible. Oh, le attends. Ça peut être ma sonnerie de portable. C'est Raphaël Quenard. Oui. Si. Voilà. Sur la fin, c'est bien. Moi, je trouve. L'attaque c'est la boîte. Du coup, je vais tout jouer. Voilà, la boîte à troubadour. C'est Raphaël Quenard. Ouais, c'est super. À la fin, t'as démissionné à la fin, clairement. Je l'avais mieux. Il y a une époque où il y a des audios. C'est Raphaël Quenard. Ouais, je l'ai pas du tout. Des audios qui attestent que je l'ai. C'est hyper dur en même temps. Bah ouais, c'est dur. Parce qu'il accélère au milieu des mots, lui. Ouais, ça. Puis il y a des. C'est tantrique, votre histoire. Ouais, voilà. Ah ouais, faut prendre des mots compliqués. Un jeu qui m'émulsionne les neurones de façon psychédélique. Psychédélique. Il va encore plus. En fait, c'est Dalim. Il y a un peu de Dalim. Dalim Bourvil, un peu. Tu mélanges les deux, Raphaël Quenard. Dalville. Ce qui est un médicament, par ailleurs. Je me permets. Qui sera dans mon prochain jeu. Les triplettes de Dalville, bien sûr. Oui, les triplettes de Dalville. Ah, écoutez, ça fait 1h45 qu'on parle. On dit n'importe quoi, honnêtement. C'est très bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. On rappelle, vous êtes venu pour Fiasco, une série. Dispo le 30 avril sur Netflix. 7 épisodes. Oui. Haletant, drôle, avec Vincent Cassel aussi, on n'a pas dit. C'est vrai qu'il y a Vincent Cassel. Les imitations de Vincent Cassel. Bien sûr. Sarkozy, t'es mal Sarkozy, ouais, attends, c'est quoi? C'est à moi que tu parles. Attends. Ah, moi, j'adore les gens qui savent faire Cassel. C'est moi que tu parles. Ouais. Mais il y a le visage. C'est là, les gens n'auront pas l'audio, mais il y a le visage. L'audio, t'es pas. Donc voilà, Fiasco, c'est sur Netflix à partir du 30 avril. Donc en fait, non, si vous écoutez le jour même, c'est dans quelques jours. Du coup, c'est pas tout de suite là. Ça sort lundi là. C'est lundi, ouais. C'est lundi. Demain alors. C'est demain. C'est demain. C'est dès demain. C'est demain dispo sur Netflix. Si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, c'est déjà dispo. Tout est binge-watchable, évidemment. C'est totalement binge-watchable. On veut que les gens puissent tout mater s'ils ont envie. Non, mais c'est vrai, surtout il y a un truc qui est, tu l'as dit, vu qu'il y a un corbeau et qu'on doit deviner qui c'est, ça se binge-watch. En plus, c'est vrai que des fois la comédie c'est difficile à binge-watcher. Enfin voilà, là en l'occurrence. Vous arrivez hyper bien à le dire, je pourrais pas le dire. Ouais, je trouve qu'on l'a dit assez vite jusque-là. Binge-watch. Ouais, oui, bien. Binge-watch. C'est dommage. J'ai ajouté un P à binge-watch. Vraiment, la peur de gagner quoi. Binge-watch. Ah, j'ai raté un peu la fin. C'est bon, ça va? Pour toi, ça va. Okay, il d'accord. me reste 2-3 trucs sur Adrien et je peux filer. Aïe, aïe. Adrien, La Bonne Auberge. Ouais, voilà. Nous les Leroy, toujours au cinéma. Toujours au cinéma, toujours voilà, un banger pour moi. Voilà, merci au passage. Voilà, on est à plus de 400 000. Mais Pierre l'a vu, c'est vrai, c'est magnifique. Peut-être un petit avis sur le film. Sur Nous les Leroy, je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte et on va aller se poser en salle et regarder ça avec grande joie. Venez, avec vous, là, on y va soir tranquille. Ouais, alors là, non, c'est compliqué parce que moi j'ai des jeux à créer, mine de rien. J'ai Shabba en stand-by. Non mais c'est vrai, 400 000 là. Ouais ouais. Oh, c'est ouais, vrai, ouais. Allez, ouais. 400 000. Oh, merci, c'est cool. Magnifique. Ah ouais, c'est gentil. Pour tout c'est monde, gentil. Non, ça fait plaisir. Donc ouais, nous les rois au cinéma et puis voilà, tout simplement, pas ah si. Tout simplement tard. Shrek. Oui. Tout simplement Shrek. Non. Et si pardon, et Vermine est dispo en VOD. Voilà. Donc et en Blu-ray à la fin de la semaine à partir du 2 mai. Donc Vermine, le film avec les araignées, on l'a pas, il était pas dispo partout vu que les films d'horreur c'est pas les trucs qui s'exportent le mieux dans toutes les salles. Ah, Adrien, il est passionné par ton taf. C'est fou parce qu'à chaque fois je le fais discrètement et bah tout non, le monde bouche ouverte avec un bruit en disant non, à la fin du bâillement, c'est pas discrètement. Ou à la fin il dit j'ai baillé hein. Bon là, personne n'aurait entendu que j'ai baillé. Donc oui, Vermine c'est dispo en VOD partout et ou en Blu-ray, machin, si vous êtes plus physique. Bon, merci tout le monde. Excusez-moi, il faut que je vous dise un truc. Dis-moi. Depuis 2 heures et ça fait 3 fois que je viens ici pour le Floodcast, j'ai l'impression que cette statue c'est Alex Lutz. Est-ce que c'est Alex Lutz? Oui, non, tu c'est l'avais Will pas Ferrell. Dit la dernière fois. C'est Alex Lutz non, Tanguy. J'ai jamais dit. Non, c'est Will Ferrell. Pardon, non, attends, mais oui. Tu l'avais pas dit la dernière fois. Si, tu l'avais dit la dernière fois. Ah oui, ouais. Ah, pardon. Wow. D'accord, donc, je me suis dit, c'est, j'adore Alex Lutz, mais j'aurais jamais une statue de lui chez moi, par exemple. Bah oui, c'est ça. Non, non, oui. Moi, j'ai non, des statues de quasiment chaque acteur français. Par exemple, qui par exemple, vite. Mais bah, en les imitant. Vite, en imitant, ouais. J'ai Reda Kateb en taille réelle. Ah, ouais. Dans l'entrée. Ouais. Après. J'ai Elie Moon dans le salon. Ouais. Mais là, c'est pas une statue, c'est, il a Elie Moon dans le salon. Ouais, il veut pas partir. Et j'ai genre. Pierre, tu veux partir? C'est pas mal. Ah, si, c'est très salut, bien. Salut Ellie. Micheline. Ah, Ellie, s'il te plaît. Il est super tôt là. Tu le fais bien, j'aurais dit. Bah, je savais pas. Ah, si. Franchement, j'ai découvert. Elle est mal, tu sais, de haut. Il est en maison de retraite. Il est dans un EHPAD. Il est en train de faire un AVC. Mais sinon, c'est. Bon, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée. Ciao. Bye. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.